tu es la peur qui domine là, qui domine là dans mes bras. C'est quand on n'y croit plus du tout qu'on trouve un paradis perdu en nous. Oh, you. Important dans la vie, c'est toi. Ta vie, ton bonheur, ton choix. Prends ton baluchon et voyage. Regarde, émerveille-toi. Profite de la vie. Tu es seul. Alors avance. Marche à contre-courant. Parle, change, apprends. Choisis la voie la moins empruntée. Le bonheur est au bout du chemin. Mais ne suis pas le chemin des autres. Personne ne peut rien faire pour toi. Ta vie, ton bonheur. Ton choix. Tu veux faire le premier pas? Écoute Mickaël sur Énergie. De 20h à 22h. Allez, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça y est, vendredi, dernier jour de la semaine. Et oui, on est là jusqu'à 22h. C'est vrai. Sur Énergie, comme tous les vendredis, 20h, 22h. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Ça va bien, pleine forme? Écoute, je vais beaucoup mieux. Je chie dur, je vais merci bien. Merci pour toutes ces informations. Je rappelle que Dof a eu un peu, on va pas dire la gastro, mais un truc dans le même style pendant toute la semaine. Quoi, voilà, une petite digestion difficile. Voilà. Et on fait trop, comme d'habitude. Ouais, bah voilà. Comme d'habitude, ouais. Polo, passe une bonne journée également. Ouais, j'ai qu'est-ce que j'ai chillé fait là tout à l'heure? Non, je suis parti voir un petit film et tout tranquille. D'accord, ok, très bien. Bah tout à l'heure, bah, ouais. Si tu veux, pas de problème. Bon, en tout cas, vous, si vous êtes en vacances, bah, bonne vacances. Sinon, nous, on est là tranquillement jusqu'à 22h à la cool. Il y aura du son ce soir. Je vais vous mettre le son de Parakeet dans quelques minutes. Tiens, restez bien là. Parakeet, c'est ça pour ceux qui ne connaissent pas. N'oubliez pas de venir me rejoindre également Facebook, Twitter et Instagram. Vous tapez M-I-K-L officiel si vous voulez venir taper la discute avec nous. Vous êtes évidemment les bienvenus. Allez, ce soir, appel mal intentionné, ce sera dans quelques minutes. On fera également le jeu du gros tout à l'heure. Si vous voulez participer au jeu du gros, n'oubliez pas que vous pouvez aussi vous inscrire directement sur le mail au standard seba@energie.com. Laissez votre numéro de téléphone. Et puis, bah, on débarque comme promis. C'est le son de Parakeet maintenant et on prendra Stéphane Angélique juste après sur Énergie. After years of joy, life was a fairy tale that you've destroyed. I feel the ground, hard to walk again. You told me how to fly, you drove my hand. You saved me, save me. Save me. Mickaël passe en mode été. Alors soyez là avec nous pour s'amuser et délirer sur Énergie de 20h à 22h. Bonne soirée tout le monde, c'est Mickaël sur Énergie. Il y a Zaou qui arrive, il y aura le son de Alvaro Soler également. Et puis on accueille Stéphanie qui est avec nous maintenant. Ah oui, c'est toi Stéphanie dont on avait parlé. C'est toi l'agent de sécu? C'est ça. Il y a Polo qui voulait absolument t'avoir au téléphone. Est-ce qu'on peut commencer par le attends, déjà tu nous appelles d'où? Tu nous appelles d'où? C'est ça le commencement. D'abord, est-ce qu'elle a un uniforme? C'est ça le plus important. Alors, pas quand je suis derrière les caméras. Ah, zut. Bon, alors combien mesures-tu? Je mesure. Ah, ouais, attends, l'autre qui prend les. Je suis en train de montrer des boobs à Polo là. À tomber par terre, ça c'est alors, du boobs. Attends. Merci pour les boobs. Alors, donc Stéphanie, combien mesures-tu? Oui, en mètres. Combien pèses-tu? 60 kilos. Quel est ton tour de poitrine? 95 pieds. Oh là là là. Et la taille du dernier pantalon que t'as acheté? 40. Oh là là, GG. Bonne. Qu'est-ce qu'elle est bonne. Bon, évidemment, Toff se fera un plaisir de venir t'aider à regarder les caméras. Hein. J'étais très vilain. Toff a été très vilain. Il se croit la maternelle là, dirigé par. C'est clair. Ouais. Bon, Steph, alors du coup, agent de sécu, là, comment ça se passe là? Tu dois te faire chier quand même, non? Oh là là là. Bah un petit peu, oui. Bah ouais, putain. Mais si tu veux, on vient t'aider. Hein. Parce qu'il se passe vraiment. Il y a pas de problème. Il se passe pas grand chose, quoi. La majorité du temps, non. Et bah tant mieux pour toi. Mais t'es où là? T'es derrière des caméras? Comment ça se passe? Fais-nous. Excite-nous un peu là. C'est cru pour un film porno. Et donc, faites quoi, Steph? En fait, j'ai 12 gros écrans. Et j'ai peur. Non, juste des gros écrans. Et puis voilà. Et puis il y a une petite caméra répartie dessus. Ah putain, ah oui, d'accord. Et tu surveilles quoi? Bah, j'ai plusieurs sites. En général, c'est des usines, des choses comme ça. Ah ouais, c'est pas très bon dans quoi? Pas trop. Non, bah bon. T'as déjà eu un accident? Je parle du Coca-Cola, mais c'est parce qu'on en parle. T'as déjà eu un accident en faisant l'amour avec un mec? Genre, un petit, quand on dit accident, c'est pas genre tu t'es retrouvé à l'hôpital. Cela dit, ça peut arriver. Hein. Mais genre, tu te colles la tête parce qu'on est tombé sur un sondage, là, 500 personnes qui ont dit. La moitié de ces 500 personnes ont quand même réussi à se cogner la tête, genre coup de boule ou cogner contre le mur ou contre le plafond ou contre le lit. Je veux pas. Non. Une fois, je suis tombé du lit, mais c'est tout. Ah, il y a eu la tombée du lit. Ah, ouais, tombée du lit quand même. Et il y a le truc, la meuf, elle s'imagine que t'es surmusclé et qu'en fait, elle saute comme ça sur toi. Ah, ouais, elle peut te sauter dessus, c'est-à-dire ton dos, quoi. Ton dos, il prend un sacré coup, tu dis putain, elle va me péter les reins. Mais imaginez une fille qui saute sur Toff. Bon, déjà, c'est improbable. Enfin, on imagine, on est vraiment dans la science-fiction là. Imagine une meuf qui saute sur lui, ce corps qu'il n'a jamais connu. Le muscle. Et bah, il tombe, Toff, on l'abîme. Enfin, il est déjà ravagé, mais je veux dire, on l'abîme encore plus quoi. Donc, faut faire gaffe. Faut faire évidemment gaffe. Tiens, il y a un auditeur, c'est David du 78 qui dit une bonne voix de Blair, ce Polo. Ouais. Confirme, effectivement. Ah, une bonne voix de Blair, ça c'est assez clair. Bon, et du coup, Stéphanie, tu bosses jusqu'à quelle heure là? Là, je suis partie jusqu'à 7h demain matin. C'est... Oh là là! Ben, c'est bon ça. Ah ouais, mais tu fais 12h non-stop là? Et t'as déjà ramené des mecs un peu dans ton cockpit? Ah, il est intéressé là, il va à Dijon là. Ah, j'ai pas le droit, je suis filmée. Ah, toi, tu fais. Ah, mais qui surveille la surveillance? Mon patron surveille. Ah, donc le patron, en fait. Et donc le patron a un écran pour et il regarde ce que toi tu regardes. Enfin, je veux dire. Ah putain! Non, et qui surveille le surveillant? Ah, bah ça, je ne sais pas. Sa femme, peut-être? Ah putain, putain, et tout le monde se surveille en fait, c'est génial. Ça. Ah ouais, incroyable. Bon, bah écoute, Stéphanie, bah en tout cas, je te souhaite bon courage. Hein. Bah merci bien. Bah avec plaisir, et puis bah quand t'as envie de réagir. Bien contente que vous soyez là, parce que quand Thiago et puis Guillaume, ça passe plus vite. Ah oui, bah là, j'imagine. Il n'y a plus que vous, alors je suis contente quand même que vous soyez là. Oui, on est là, t'inquiète pas. Et puis après, à la rentrée, on sera tous là à la queue leu-leu. Tu vas pouvoir démarrer à 19h et finir quasiment en même temps que nous, tu vas voir, ça va être bien. Ouais, très voilà. Bon, en tout cas, bon courage, Steph, merci d'avoir appelé. Je te fais des gros bisous, merci. Tu reviens quand tu veux, ok? Merci, super. Salut, à bientôt. Salut. Ciao à toi, Steph. On a Angélique qui est avec nous maintenant. Salut, Angélique de Toulon. Bonsoir. Comment vas-tu? Très bien, merci. Bon, bah, bienvenue. Eh bah, très très bien aussi, Angélique. Tu passes de belles vacances? Ça va, j'ai pas bougé, je suis pas parti en vacances en fait. Ah, tu pars pas? D'accord, ok. Tu fais quoi de la vie, Angélique? Bah, je m'occupe de mes enfants. Eh ben, c'est bien aussi. Ils ont quel âge? 17 ans et 9 ans. Ah oui, d'accord. Ah oui, t'as eu beaucoup de réflexions. Ah oui, t'as pas traîné. Hein. Ah si, justement. Non, enfin, non, entre 19 et. Ouais, entre 17 premier, et 9 ans. Ouais, le premier, t'es arrivé vite, effectivement. Bon, enfin bon. Bon, Angélique. Voilà, j'allais sur mes 20 ans. D'accord. Eh ben écoute, j'ai envie de te dire pourquoi pas. Le principal, c'est de pas regretter. Tu me diras, j'imagine que tu ne le regrettes pas. On est tombé sur une info de 500 personnes qui ont été interrogées par Psychology Today. C'est un sondage, en fait, qui a été fait sur les accidents qu'on a pu avoir sexuellement parlant. C'est-à-dire que. Bon, c'est genre, tu te cognes la tête sur le mur, sur le plafond, etc. Et alors, il y en a aussi 240 sur les 500 qui ont eu des brûlures sur le corps. Eh ben, ouais, ah, c'est des bougies, ça. Ouais, non, bah, alors, il peut y avoir les bougies, mais il y a aussi les. C'est genre, par exemple, t'es sur un tapis et. Ah ouais, les frottements de moquette, c'est horrible. Voilà, les frottements de moquette. Il y a aussi, évidemment, bah. Alors c'est con parce que quand il y a les frottements de moquette, vous le sentez à un moment. Dites-le à votre copine ou à votre copain, on bouge un peu. Non mais non, t'es dans le truc, tu t'arrêtes plus. Oh ben tu t'arrêtes plus, tu te mets un peu sur le côté, c'est bon. Non mais non, un petit peu. Si t'es dans le truc, t'es dans l'excitation. Bon, en même temps, je parle à un mec qui se fait accrocher sur des croix. Mais oui, quand t'es dans l'excitation, tu t'arrêtes pas. Ah ouais, bah moi je m'arrête, un mec. Si ça fait mal, ça fait mal. C'est bon, tu t'arrêtes, Polo, toi. Si ça fait mal, ça te crame. Bien sûr. Ça te crame le yonf. Bien sûr, je m'arrête. Le fion et les genoux, c'est pas pareil. Mais non, mais bon, si t'es. Ouais, mais enfin, peu importe. Même si ça brûle, ça brûle. À un moment, faut pas déconner. Et toi, Angélique, t'as déjà eu quoi comme accident alors? Ah oui, avec le petit à côté, ça va être délicat. Hein. Dis-moi, on va parler par code. Quel âge il a, le petit à côté, Angélique? 9 ans. Ah ouais, on va parler par code alors. Tu veux qu'on te rappelle, Angélique, non, quand tu l'auras mis au lit? Non, mais il a tout entendu déjà, donc vous inquiétez pas. Ah, bon, bah dis donc, alors, très bien. Alors, vas-y, donc, raconte, qu'est-ce que t'as déjà eu comme petit accident? Eh ben, moi, ce qui s'est arrivé, c'est que j'ai eu des rapports dans un parking, sur une voiture. Et en voulant me rallonger, normal, en position, quoi, ouais. Je me suis carrément tapé la tête sur le capot de la voiture. Ah, mais c'est le message que j'ai lu tout à l'heure? Ouais. Ah oui, d'accord, ok, donc en fait, vous étiez sur le capot de la voiture? Ouais. C'était quoi comme voiture? Bon, on s'en fout. Enfin, si, parce la que marque, ça. Je me rappelle pas. Ah, tu sais plus. Mais c'est une grosse voiture ou une petite voiture? Genre une Peugeot. Genre 305. 100... Ah, 300. Ah, 305. Ah ouais. Ouais. Tuné ou pas? Ça date. En général, oui. Hein, les 305 sont souvent tunés. Ouais, parce que moi, je l'ai fait. C'était pas ma voiture. Sur une Clio 3 et elle a pas souffert. Ah bon? Ouais, ouais. Ah bah, dis donc. Clio 3. Non, mais c'est bien. Polo lui fait ça sur des Porsches. Toujours. On a la classe, on l'a pas. Ouais, mais Porsche, tu peux pas plier le capot. Je vois pas comment tu peux plier le capot sur une Porsche. Bah si, il y a un moment, si tu veux, à partir du moment où tu mets du poids en plein milieu du capot, ça plie. Hein. Ouais, mais il est étroit, donc normalement ça plie pas. Ouais, bah je prends pas le risque. Plier, hein. Si j'avais une Porsche, je peux dire que je prendrais pas le risque. Hein. Après, tu fais ce que tu veux, Toff. Mais bon, en même temps, t'as pas de Porsche. J'ai pas de Porsche, donc le problème se pose pas. Mais il y en a dans le parking à la radio, j'irai essayer. Ouais, c'est ça. Alors là, mec, je te mets au défi. Bon, et donc Angélique, il a dit quoi le mec? C'était la voiture du mec sur laquelle vous étiez? Non, sur une voiture comme ça qu'on a trouvée. Ça se fait pas. Elle était sur le parking, alors. Ah ouais, d'accord, voilà. Ouais. Ah oui, non, mais comme ça, d'accord, ok, si c'est pas ta voiture, je peux comprendre, effectivement. Mais ah bon. Non, c'est pas ma voiture, mais bon, je pense que le mec, il a dû faire une sacrée tête, quand même. Bah, tu m'étonnes, effectivement. Bon, en tout cas, Steph, je te fais des gros bisous. Angélique, pareil, vous n'hésitez pas à vous rappeler quand vous voulez. Si vous voulez passer en direct dans l'émission, n'oubliez pas, lundi, on sera là, 20h minuit, ouais. En direct, bien entendu, 20h minuit du lundi au jeudi, et 20h-22h le vendredi. Si vous voulez passer donc dans l'émission, bah, petite inscription, vous venez sur le Facebook, par exemple. Vous tapez M-I-K-L officiel, vous restez là. On parlera de médecin, voilà, de médecine dans quelques minutes et surtout la honte que vous avez déjà pu avoir. Et puis on écoute le son de Zao comme promis, c'est avec MHD, c'est maintenant sur NRJ. Il ou elle a dit les nouvelles ne sont pas bonnes. Je ne le dirai qu'à toi, ne le dis à personne. Il ou elle a fait, je crois qu'il y a eu mal donne. Ça m'étonnerait vraiment que quelqu'un lui pardonne. J'entends des bruits de couloir au loin qui résonnent. Que ce soit vrai ou faux, tout le monde en fait des tonnes. Si l'ami de tout le monde est l'ami de personne, laissez-moi dans mon coin, ici l'ambiance est bonne. Non, tu n'as pas idée, c'est chaud. Pourquoi verbaliser, c'est chaud. L'ambiance est validée, c'est chaud. Le terrain balisé, c'est chaud. Laisse-les parler, laissez-les gourmands, laissez-les parler. Laissez-les gourmands. Qu'est-ce que tu parles de moi? ma vie, tu sais nada. T'es de ces personnes qui m'y tonnent grave. C'est vrai que t'es gentil, mais t'es pas fiable. Encore plus faux que le mec qui n'a pas de défaut. Un tel et un tel sont ensemble, mais c'est vrai, c'est le mytho du coin qui raconte ça. Il a gagné au loto et zappé la mif quand le bonheur s'approche, les jaloux pas. Tu l'as quitté d'après ce que tu racontes. Elle t'a quitté d'après ce qu'elle elle raconte. Chacun sa raison, tout le monde parle, mais chacun sa version. Laisse-les croire, laisse-les jacter. T'es dans l'hypocrisie, on gravit les paliers. Éloigne-moi des soucis, je suis fatigué. J'ai pas leur temps, je m'en jaillis. Non, tu n'as pas idée. C'est chaud. Pourquoi verbaliser? C'est chaud. L'ambiance est validée. C'est chaud. Le terrain balisé. C'est chaud. Laisse-les parler. Demain, on aura zappé. Laissez-les coumas. Laissez-les parler. Laissez-les coumas. Laissez-les coumas. Laissez-les parler. Laissez-les coumas. J'ai les oreilles qui sifflent, carton rouge. J'ai les oreilles qui sifflent, carton rouge. J'ai les oreilles qui sifflent. Tout le monde qui n'a pas. Mickaël passe en mode été. Alors soyez là avec nous pour s'amuser et délirer sur Énergie. De 20h à 22h. Jusqu'à 22h, c'est Mickaël sur Énergie. Vous avez vu, ça a fonctionné, hein? C'est pas mal. J'ai pas fait la connerie. Bon, il reste encore 1h40 d'émission, mais normalement, ça devrait bien se passer. On a Sofiane qui est avec nous maintenant de Paris. Salut Sofiane, comment ça va? Sofiane? Oui, allô? Ah, salut Sofiane, comment ça va? Bah, ça va, ça va. Attends deux secondes, j'embrasse mon frère, il va se coucher. D'accord, ok, tu fais ce que tu veux, Sofiane. Heureusement que t'appelles pas du Nord, on aurait pensé à autre chose. Salut à toi le frère. Comment il s'appelle le frère? Il s'appelle Saïd. Et il a quel âge? Il a 25 ans. Et il va dormir à 1h. Et tu l'embrasses à 25 ans? Et tu l'embrasses à 1h? C'est quoi ton délire là? Enfin. Eh les gars. Bon bah pourquoi pas après hein. Et tu l'embrasses. Allô, tu l'embrasses comment? Bah je fais la bise. D'accord, non mais après tu fais ce que tu veux, tu peux lui rouler un patin, moi ça me dérange pas. Et attends, mais tous les soirs tu lui fais la bise? Ah bah non. Ah, bah, juste ce soir alors, parce qu'il passe à la radio, voilà, c'est pour ça, c'est pour célébrer. Non blague non, à part, blague à part. Voilà, blague à part. Bon, tu voulais nous parler des jobs chelous, puisqu'on est tombé sur un tof, un taf rêvé pour tof. C'est payer 16 000 euros, c'est 2 mois, tu restes couché pendant 2 mois pour simuler un voyage vers Mars. Bon, évidemment, vous n'êtes pas dans un lit du Hilton, pépère, tranquille ou calme avec la télé, hein. Vous êtes comme si vous étiez dans une navette. T'as pas la télé, tu peux regarder des films. Aucune idée, bah en même temps, si tu pars sur Mars, mec, tu captes pas, hein. Non mais tu captes pas, tu peux mettre. Tu crois qu'il a Netflix? Ouais. Non, mais... Il y a Netflix ou pas sur dans la station là? Non mais tu pars avec ton disque dur, avec tes films dedans. Ouais. Peut-être. Bon alors Sofiane, t'as fait quoi comme job bizarre? Du coup je vous avais posé la question. Bah en fait c'est pas vraiment bizarre, c'est qu'en fait comme j'étais dans l'armée. Ouais. Allô? Oui. Je pense que vous connaissez tous le système du sous-marin dans l'armée, tout ce qui est opération d'écoute aquatique. C'est-à-dire? Quand vous parliez de rester en mode close. Oui. Voilà, dans un hôpital, j'ai fait un stage d'une semaine. Ouais. À la base navale de Toulon. Et du coup, on a fait pendant notre formation de militaire, en fait, on a fait ce truc-là, en fait, de rester dans un sous-marin. On nous a mis en situation. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, t'es en situation. Quoi. C'est ça. On nous a mis en situation en mode vraiment. Vous allez rester enfermé pendant une semaine. Vous allez manger. Vous allez faire ça. Mais vraiment en mode. Toi, on va pas voir la surface. On va pas voir le monde extérieur pendant une semaine, quoi. Ah oui, c'est violent quand même. Hein. bah c'est assez chaud parce que tu te dis en fait vas-y dans un sous-marin dans les films américains ça paraît grand tout ça tu vois. Ah non mais c'est ouais, hyper confiné ouais. C'est hyper petit, j'ai été dans un sous-marin, c'est violent hein. Bah t'as celui à la Cité des Sciences là, tu peux rentrer dedans, c'est vrai que c'est-à-dire que les couloirs sont hyper étroits. Bah, après je sais pas c'est le même. Moi j'avais été visité par l'Arbor, il y a un sous-marin qui est là et c'est un des sous-marins de la Deuxième Guerre mondiale. Ouais, de l'armée américaine. Et franchement, quand tu rentres dedans, bon après, je suis pas claustro, mais c'est putain d'étroit. Alors, et là, tu sais que t'es encore à l'extérieur, tu sors quand tu veux. Mais quand t'es à l'intérieur et que t'es à je sais pas combien de mètres en dessous et que tu sais que tu peux pas sortir quand tu veux, ça fait un peu des boules quoi, quand même. Hein. Bah, ça fait un peu chaud parce qu'en fait, au niveau des oreilles, t'as une sorte comme si en fait t'étais en plongée sous-marine. C'est la pression. Voilà, c'est ça. Et en fait, le pire, c'est surtout quand t'es pissé, en fait, parce que quand t'es renfermé, les médecins de l'armée nous disaient, voilà, quand t'es renfermé, un certain nombre de temps, t'as souvent envie de pisser parce que t'as le stress, t'as tout ça, t'as souvent envie de pisser. Et c'est pas forcément évident d'aller pisser. En fait, c'est assez chelou, en fait. Ah vraiment, ouais. Mais en parlant de trucs chelous, j'ai reçu un message qui dit ouais, job bizarre, je me suis occupé de la reproduction des grenouilles. Oui, alors évidemment, c'est pas pareil. Mais enfin, ça reste bizarre quand même, ouais. comme taf. Hein. Bah, en Angleterre, là, ils cherchent un mec pour s'occuper des hérissons. 2500 euros par mois. Ah, quand même ? Ouais. Il y a pire. Il y a quoi ? Enfin, moi, c'est pas moi, mais il y a un pote à moi, par contre, lui, ce qu'il a fait, c'est, je pense, vous connaissez tous le truc des poussins, là. Des poussins ? Ouais, en fait, faut sortir les mâles des femelles. Voilà, oh, et ça, c'est 5000 euros par mois, ça. Ça, c'est 5000 euros par mois, ça. Ah ouais, parce qu'en plus, ils doivent aller hyper vite, quoi. Ils doivent regarder, hop, ils doivent les jeter. En fait, la broyeuse, elle est juste à côté d'eux. C'est comme si, en fait, tu mettais un papier à la poubelle, quoi. Oh, mais quelle horreur. C'est vraiment une honte. La broyeuse, elle est à côté d'eux, quoi. Ils versent un panier de mâles dans la broyeuse. Et c'est juste à côté d'eux, en fait. Ils mettent les femelles dans un autre panier. Et les mâles dans l'autre panier, et au milieu il y a la broyeuse en fait. Ah, moi je pourrais pas après, faire ça. Quelle horreur! C'est horrible. Bah, merci Sofiane pour les petits boulots bizarres. Voilà. Et maintenant on sait comment on fait les nuggets. Voilà, et bon appétit bien sûr. Allez. Voilà, salut Sofiane, merci, à bientôt. Allez, tu rappelles quand tu veux. Ciao. Tu nous embrasses pas là pour nous dire au revoir? Ouais, tu nous embrasses pas Sofiane? Ouais, tu pourrais nous faire un petit poutou comme ton frère là. Si tu t'es fait violer la bouche, j'ai pas vraiment envie de te faire. Ouais, t'as raison, ouais, on veut jamais toutes les saloperies qu'il y a dedans, ouais, c'est clair. Salut Sofiane, merci à toi, à bientôt. Si vous voulez participer à l'émission, on est jusqu'à 22h et de retour lundi en direct à partir de 20h. Et ben c'est pas compliqué, venez me rejoindre sur le Facebook de l'émission, vous tapez M-I-K-L officiel. On va revenir dans un instant, on se met la pub en speed et on reviendra avec notamment le son de Rizza. Vous écoutez Energy. Et même en plein mois d'août, vous gagnez ce que tout le monde veut. Le pack vacances avec dedans MacBook Air, iPhone 6S et le casque Beats sans fil qui va avec. Ah bon? Dès que vous entendez le doublé d'énergie avec Soprano et Tal à la suite, soyez les premiers à appeler Energy 30h37 pour prendre votre pack vacances. Apple Energy. Des hits tout l'été. C'est Energy. Hey, salut, c'est Coé. On peut être fier de son équipe, de sa région, de sa ville. Moi, je suis fier de dire Sam, c'est moi. Fier de faire la fête sans alcool et de ramener mes potes sans faire de drame. Et sans vouloir jouer les héros, en tant que Sam, je sauve des vies quand même. Du coup, je suis un peu un héros, non? Ouais, ça fait des jaloux, mais j'ai l'habitude. Pour être Sam à ma place, il suffit de se désigner avant de partir en soirée. Bon, maintenant, vous le savez, Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Rendez-vous sur Facebook pour célébrer votre Sam, le conducteur désigné. Hé, hey, Matza, sur dominos.fr, deux pizzas livrées plus une entrée, 20 euros. Vas-y, clique, c'est trop bon. Pendant les Digital Days Domino's jusqu'au 16 août, deux pizzas médium des gammes incontournables et suprêmes plus une entrée livrée pour 20 euros en commandant sur dominos.fr. Hors pizza du moment dans les magasins participants. Vous, les rois de la perche égocentrée, les champions des poses faussement naturelles, les maîtres du sourire négligé, vous, les génies du selfie, mais continuez comme ça. Sérieusement, ça peut vous sauver la vie. Se prendre en photo est l'une des meilleures façons de repérer l'apparition d'un mélanome. En collaboration avec l'Institut Gustave Roussy et le collectif Ensemble contre le mélanome, l'application iSkin vous aide à surveiller l'évolution de vos grains de beauté pour faciliter votre suivi dermatologique. iSkin n'établit pas de diagnostic et ne remplace pas l'avis d'un dermatologue. Disponible gratuitement sur Apple Store et Play Store. Commencez la teuf du samedi soir dès 19h avec le Royal Mix. DJ Assad et DJ Milouz retournent les clubs tous les week-ends en France. Et chez vous, en écoutant Énergie le samedi de 19h à 20h. Royal Mix Energy. It's music only. Manu, Kamel et Julie, vous ne les connaissez pas. Pourtant, ils sont au port tous les jours. Ils savent que vous passez des heures à bichonner votre bateau, prêt à sortir à la moindre occasion, que vous êtes calme en toutes circonstances, même quand les cordages s'en mêlent. Mais ils savent surtout que la mer, elle, peut perdre son calme à tout moment. Manu, Kamel et Julie, vous ne les connaissez pas. Ils veillent sur vous toute l'année. Ils sont sauveteurs en mer. Les sauveteurs en mer, l'assurance de belles vacances. Tahiti, des destinations de rêve. Oubliez la fête, les cocktails, la plage. Oh non ! Des destinations de rêve. On est là. Oubliez l'aventure, le sport, les vacances. C'est Mickaël sur Énergie. De 20h à 22h. Et sur Twitter, Facebook et Instagram. M-I-K-L. Officiel. Passez une bonne soirée tout le monde, c'est Mickaël. On est sur Énergie, vendredi de 20h à 22h. Voilà, vous bougez pas évidemment avec le son dans un instant d'Alvaro Soler. Je vous mettrai également le son de Souf et tous vos messages aussi, Mickaël, et votre message au 6 11 12. On parlait de ronde que vous avez déjà eu l'occasion d'avoir ou de bouffe un peu particulière. Et il y a un message qui est arrivé qui dit j'ai déjà mangé un insecte et c'était croustillant et sans goût. Et c'était Maxence. C'est particulier parce que c'est pas que c'est mauvais, c'est juste que tu sais ce que tu manges. Et donc du coup par automatisme, tu vas faire en sorte que ce goût n'est pas bon parce que bah tu sais que t'es en train de bouffer genre une sauterelle ou un cafard ou j'en sais rien. Ouais, c'est alors ça. Que ça se trouve ça goûte la même chose, je dis n'importe quoi, que le poulet, et bah le poulet tu vas le bouffer sans aucun problème, tu vois. Donc je crois qu'il y a aussi le goût que tu as grâce aux yeux. Mais oui, c'est ça, parce que quand tu fais des trucs, des tests à l'aveugle, parfois tu dis super bon et après tu le vois, tu dis ah ouais. Ouais. D'où un resto qui est sympa, c'est un resto à Paris, je crois qu'il y en a un à Bruxelles, il y en a quelques villes encore. Ouais, il y en a c'est un peu partout, des restaurants dans le noir complet. Ouais. Et en fait, ils ne te disent pas à l'avance ce que tu vas bouffer, enfin, mm-hmm. dans celui que j'ai essayé en tout cas, ils te disent pas à l'avance ce que tu vas bouffer et du coup, tu sais pas du tout, tu vas manger un truc, ça se trouve que tu détestes et que tu vas te kiffer ou inversement, parce que tu ne vois pas et que c'est pas c'est tes vrai. Yeux qui vont décider si tu vas aimer ou si tu vas pas aimer. Puis c'est un truc à essayer, ouais. Parce que ça te permet de pas avoir la gueule de teuf. Et ça te permet de pas avoir la tronche de teuf, effectivement. Un bon, ouais. Une bonne digestion. Bah, c'est ça, tu sais, les premiers encarts, moi je préfère les faire là maintenant. Comme bah, ça, ouais. moins, la meuf ouais. prend moins peur, quoi. Exactement. En fait, tu te mets sur Tinder avec une photo en noir et tu dis je t'invite au resto au premier voilà, soir. Voilà, c'est ça. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Il y a Shakib qui dit j'ai mangé du pain avec des vers de terre à l'intérieur. Mais est-ce que c'était volontaire ou pas? Swadam aussi. Par ici, ce sera barbecue apéro avec les amis et Mickaël dans la radio. Polo et Toff pour nous accompagner. Salut Swadam. Bah, santé aussi à ceux qui sont en train de picoler. J'ai reçu un message sur Facebook là. Oh, prends l'apéro là en vous écoutant. Ouais, bah profitez bien les gars. Le chinois qui est passé nous voir, là, t'as déjà mangé des trucs bizarres ou pas? Ça va faire le stéréotype, mais j'ai déjà mangé du chien. Ouais. Putain, tu sais que j'ai même pas pensé le fait. Oui, ah putain, c'est vrai. Et alors, mais alors c'est bon j'ai ou même pas posé la question parce que t'es asiatique, enfin, t'as une gueule d'asiatique. Après, je sais pas si t'es vraiment. Moitié vietnamien, ouais. Ah bah voilà, ah oui, bah oui, en plus, putain, j'ai même pas pensé, mais oui, t'as déjà dû bouffer des trucs chelous. Ouais, non, mais rigole pas, c'était. J'étais parti 2 semaines au Vietnam. Ouais. Et à un moment, tu sais, c'était les trucs touristiques avec le bus et tout. Ouais. Et à midi, on s'arrête dans un resto. On choisit même pas. Le mec, il nous apporte des bols avec une soupe, quoi, tu vois, avec des. Enfin, on pensait que c'était une soupe avec normale. Du chien dedans. Et ben, en fait, ouais, apparemment, la viande, c'était du chien. Ouais. Oh, et alors, mais c'était bon ou pas? Parce que c'est ça la vraie question. Franchement, ouais, quand tu le sais pas, c'est vrai que c'est bon. Voilà, mais. Mais c'était quel chien? Ah, j'en sais rien. Bah, c'est hein. Tu sais, en fait, c'est le chien qu'ils ont caressé pendant tout le voyage et hop, ils sont arrivés au resto. On a perdu Snoopy, bah merde, il est où, merde, il est où? Ah bon, on l'a bouffé, écoute, il était pas si mauvais que ça finalement. Et toi, t'as déjà. Rappelle-moi ton prénom, chaque fois j'oublie. Sarah, t'as déjà mangé des trucs chelous toi? Non, mais je crois qu'on me fera jamais goûter un truc. Ouais, mais regarde, si comme lui, tu prends un truc, t'es persuadé que c'est quelque chose en particulier et finalement c'est autre chose. Non, pas spécialement. Que moi, je sais que j'avais été un jour à Cuba, bon, j'ai commandé volontairement, mais c'était très bon cela dit, c'était du crocodile. Et en fait, c'est marrant parce que ça a la gueule d'un poisson, donc t'es persuadé de manger un, je sais pas moi, un poisson blanc, mais ça a le goût du poulet. Ah oui, c'est vrai, c'est hyper perturbant parce que du coup, quand tu vois le truc, tes yeux et ton cerveau se disent ah, c'est du poisson. Donc tu le mets en bouche et tu te dis merde, c'est du poulet. Mmh. Et c'est vraiment bizarre. Si vous avez l'occasion de goûter, essayez. Et Seb, au standard, là, Seb, il a déjà mangé quelque chose Bah, la dernière fois, là, quand j'étais en Nouvelle-Orléans, j'avais mangé de l'alligator. Ah oui, la Liga, bon, ça doit être la même chose que c'est le. Pareil, c'est pareil, c'est comme le crocodile. Ouais, ça doit être la même chose que le croco, effectivement. Ouais. Bon, en tout cas, dites-nous si vous avez déjà mangé des insectes, c'était bon ou c'était mauvais. Voilà, n'hésitez pas, vous nous envoyez votre message. Vous envoyez ça sur seba.energie.com, c'est l'adresse mail de Seba au standard si vous voulez passer dans l'émission. Ou alors au 01 40 71 5000. On écoute le son d'Alvaro Soler maintenant sur Énergie. Sueño cuando era pequeño, sin preocupación. Se desvaneció, desapareció. Sin tu mirada sigo, sin tu mirada. Mia. De 20h à 22h. Mickaël. Mickaël. Et sur Énergie. Allez, restez là, avant 21h, je vous cale le son de Souffle sur Énergie, on sera le jeu du gros et les appels mal intentionnés avec une bonne nouvelle, c'est la fête du slip à mon cul. Ah. Ça ne s'invente pas. La ville organise la première fête du slip pour rendre hommage au reportage de Daniel Prévost qui avait fait connaître la ville à la télé. Hein. Donc voilà, c'est la fête du slip à mon cul. Donc pour fêter ça, Tof, tu vas demander à tes amis s'ils sont plutôt slip ou caleçon. Bah oui, allons-y. Allez, on y va grâce au numéro que vous envoyez comme tous les soirs sur le mail de Tof. toph@energie.com. Continuez d'ailleurs à en envoyer des numéros de téléphone. Si vous connaissez des gens qui sont un peu nerveux, un peu ouf dans leur tête, tout ça, c'est toujours avec grand plaisir. On y va, on appelle. Allô. Oui, bonsoir monsieur. Oui, bonjour. Oui, bonsoir, je vous appelle parce que c'est la fête du slip aujourd'hui. Comment ça? Bah c'est la fête du slip. C'est la fête du slip à mon cul. Et du coup, je voulais savoir si vous étiez plutôt slip ou caleçon. C'est qui en fait là? Tof, monsieur, je m'appelle Tof. Tof. Oui, c'est ça. C'est vraiment... Non, on se connaît pas. Moi, je veux juste savoir si vous êtes slip ou caleçon. Mais ça se connaît pas, comment t'as mon numéro? Bah, parce que je l'ai trouvé sur les pages blanches, monsieur. Et donc, c'est pour ça en fait. T'as rien d'autre à faire à ce heure-ci? Bah, non, je suis au chômage. Donc, du coup, moi, j'aime bien appeler les gens pour leur poser des questions. Là, moi, je suis en train de travailler et tu me déranges. Mais non, je vous dérange pas, monsieur, je vous pose une question. Je t'emmerde, toi, et ta question, pauvre. Oh non, monsieur, non, dites pas ça, c'est pas gentil. Pas gentil? Comment ça, pas gentil? Bah, non, c'est... ce que tu fais, c'est gentil, connard. Moi, je vous appelle, je vous pose gentiment une question, monsieur, donc la moindre. Je t'emmerde, connard. Non, monsieur, dites pas des choses comme ça, c'est franchement. Les mots dépassent votre pensée. Et ta mère, c'est des slips ou des strings ou des tangos qu'elle met Je sais pas, faudrait que je lui demande, monsieur. Mais t'as pas besoin de lui demander, elle met rien. Je l'ai baisé hier soir, ta mère. Oh non, dites pas ça, monsieur, c'est pas gentil. Ma pauvre maman. Ma pauvre maman. Pauvre, t'es un bâtard, ça. T'as même pas de mère, toi. Bah si, j'ai une mère, monsieur. Elle s'appelle Maryse. Maryse? Ouais. T'as quel âge, toi? J'ai 35 ans. Il y a 35 ans, t'es. C'est d'où, toi? De Paris, monsieur. De Paris, tu connais pas Nadie? De Paris? Bah oui. Bah oui, j'ai que ça à faire, monsieur, je suis au chômage. Moi, les Français, je vends mal. Vous êtes de grosses marques, vous, les Français. Rien à faire. Non, dites pas ça, monsieur, c'est pas gentil, ça. Comment ça pas gentil? Bah non, c'est pas gentil. Là, je suis en train de travailler. Si tu m'as pas au téléphone, déjà je peux pas. Oh là là là là là là. Allez, bonne soirée. Hein. Bah oui, mais vous avez pas répondu à la question, monsieur. Allô? Il a raccroché. Parce que plus le temps passait, plus on comprenait mal. Hein. Oui. Je sais pas si où est-ce qu'il mettait son téléphone. Peut-être justement pour la fête du slip à mon cul. Peut-être dedans. Peut-être, juste avant. Oui, c'est plus difficile, on va le rappeler. En tout cas, on était à Liège, en Belgique. Ça s'est bien entendu au niveau de l'accent. Hein. On va remettre le couvert, on sait jamais. Ouais. Oui, je m'excuse, monsieur, mais on a été coupé. Vous avez pas eu le temps de répondre à la question. On n'a pas été coupé, ce pauvre bâtard. Bah, si. C'est moi qui a fermé. Bah oui, mais ça se fait pas, monsieur. Vous aviez pas répondu à la question. Ça se fait pas, avec téléphoner à ceci, ça se fait, connard. Bah oui, la preuve, puisque je vous appelle. Putain, t'es trop fort. C'est Tof, toi. Oui, Tof, c'est ça, monsieur, c'est mon nom. Ah, toi, t'es pas de Paris, t'as pas l'accent français. Ah. C'est qui, dis-moi, c'est qui? Bah, je suis Tof, je suis Tof, monsieur, mais je vous appelle de Paris, hein. De Paris? Oui. Et pourquoi tu t'appelles en masqué? T'as pas les couilles d'appeler avec un numéro affiché? Non, c'est parce que en fait, maman, elle l'a bloqué dans le téléphone et donc, du coup, en fait, il s'affiche plus. Bah oui, mais ça affichera pas le numéro quand même. Mais si vous voulez, je vous le donne, mon numéro. J'ai pas que t'as à faire. Qu'est-ce que tu veux que tu fasses avec ce numéro? Bah, je sais pas, c'est vous qui vous plaignez de pas le voir, alors moi, je veux bien vous le donner. Non, y'a pas besoin. Ah, y'a pas besoin. Bah, alors, vous pouvez répondre à la question. C'est quoi ta question? Bah, c'est de savoir si vous êtes plutôt slip ou caleçon. Pourquoi cette question? C'est une enquête pour Internet, pourquoi ça? Non, c'est juste pour moi, c'est pour savoir. En fait, j'étais à la maison, je m'ennuyais et du coup, j'avais envie de vous poser la question. T'as pas de femme, t'as pas de gosse, t'as rien? Ah non, maman, elle veut pas que je ramène des filles à la maison. Maman. Ta maman, t'es. Pour femme, je te jure. à 37 ans, des questions comme ça, c'est pour moi. Tu travailles pas au chômage? Bah oui, oui, au chômage, oui. Et moi, si le gouvernement français, moi, je peux mettre à la mutuelle. C'est pas moi, handicapé. Non? Bah, comme... pas non, moi, je sais pas, monsieur. Hein. Ouais, allez, je vais te laisser parce que. Bah là, oui, mais dites-moi alors, slip ou caleçon? Slip ou caleçon? Oui. Allez, ça ouais. Bah non, monsieur, j'étais obligé de vous rappeler. Oh, qu'est-ce qu'il est relou! Et vous remarquez comment ça se fait qu'au début on l'entend bien et qu'au fur et à mesure ça va moins bien? Ouais. Je sais pas, il doit avoir vraiment un téléphone pourri. Ah ouais, ouais, bon, en fait, c'est un Italien qui habite à Liège en Belgique. Ouais. Parce que j'ai entendu, il a fait Ming! Fils de pute! Bah oui, monsieur, mais. Vous répondez. Tu vas pas me casser les couilles, en cours combien de temps tu vas me casser les couilles? Bah, jusqu'à ce que vous répondiez à la question, monsieur. Enfin, attendez, c'est vous qui êtes. Je réponds pas à ta question, pauvre type. Je réponds pas. Bah, pourquoi, monsieur, ça se fait pas? Bâtard, va. Non, dites pas ça. Oh non, monsieur, arrêtez. Allez, répondez à la question. Par un âne. Oh non, pas par un âne, monsieur, non. Oh non, ça se dit pas. Bah, ça se dit. Non plus, monsieur, arrêtez de dire des choses comme ça, c'est très méchant. Allez. Va te faire foutre, connard. Oui, mais répondez à la question d'abord et après j'irai me faire foutre. Je me casse le bas, je mets rien. Eh ben voilà, ça, monsieur. Ça va, ça? Bah oui, suffisait de le dire. Je mets rien. Voilà. Eh ben maintenant on peut se souhaiter une bonne soirée, monsieur, on se fait des poutous. Bonne soirée. Allez, bisous, bisous. On va te faire foutre, putain, t'es PD ou quoi, connard? Non, monsieur, PD ça se dit pas, c'est homophobe, ça se dit pas, PD, monsieur. Homophobe, bah je suis homophobe, je suis homophobe. Non, monsieur, non. Allez. Allez, faites-moi un gros câlin, puis on va dormir, on souhaite une bonne nuit. Je peux un câlin à ta femme, à ta mère, à ta petite bête, à qui tu veux. Sur mon fond, mon papillé. Ça va? Bon, allez, je vous en... allez, je vous embrasse. Bisous, bisous. Allez, ciao, connard. Voilà, nouvel ami Tof qui est très sympathique. Hein. De l'amour et de la gentillesse, ouais, tout ce donc, que j'aime. Voilà, c'est ça. Alors, il a dit, je suis homophobe, je ne suis pas pédé. Pas pour le rapport. Enfin, je veux dire. Ah, il n'y a pas de rapport, non, je pense oui, qu'il est un peu taré, je pense. Con, hein. Bon, bah, c'est pas grave, on appellera d'autres si vous connaissez des gens dans le même état d'esprit. Bon, bah, vous savez, hein, vous allez balancer les numéros de téléphone sur le mail de Tof, toph@energie.com. Et on en fera l'autre dans moins d'une heure, comme promis. On écoute maintenant le son de souffle et le jeu du gros, c'est juste après sur Énergie. Elle me dit qu'elle est fatiguée. Elle me dit qu'elle veut tout lâcher. Même pas eu le temps de lui expliquer. C'est plus la peine de continuer. Mais c'est le temps qui court, court, court, court, court. Mais c'est le temps qui court. Pour tout ce mal, je suis désolé. Encore une fois, j'ai tout gâché. Mais c'est le temps qui court. C'est le temps qui court. Mais c'est le temps qui court. C'est le temps qui court. Mais à coup pas. Je lui dis qu'elle m'a fatigué. C'est à cause d'elle que je vais tout lâcher. Je sais pas comment lui expliquer. Un jour je finirai par me barrer. Mais c'est le temps qui court. Mais c'est le temps qui court. Mais c'est le temps qui court. C'est le temps qui court. Mais à coup pas. Avouer, à demi-mot pardonner, tous tes défauts avouer, à demi-mot pardonner, mais c'est le temps qui court, c'est le temps qui court. Mea culpa. buzz. Les vacances, c'est appel mal intentionné, auditeur complètement dingue, des jeux, des canulars et surtout Mickaël, Tof et Polo de 20h à 22h sur Énergie. Bonne soirée tout le monde, c'est Mickaël sur Énergie tous les soirs. On est là de 20h à minuit la semaine, enfin du lundi au jeudi, et 20h-22h le vendredi jusqu'au retour évidemment de Koé et de Guillaume. Ce sera dès la rentrée à la fin du mois d'août. Et on va se faire le jeu du gros avec Fred qui est avec nous au bâton dans le 17. Salut Fred. Salut. Salut, ça va? Comment ça va? Ça va, tranquille. Bon, eh ben, bienvenue à toi Fred. Alors merci. Fred, on va jouer au jeu du gros maintenant. Le jeu du gros, tu connais le principe ou pas? Non, vas-y, réexplique. Bon, je vais réexpliquer. Je vais réexpliquer même pour les nouveaux auditeurs, tout ça. Le principe est très simple. On va donc, enfin, tu vas donc choisir de jouer face à Valentine, face à Tof, à Polo ou à moi-même. Et le but, bah, c'est que dès que t'auras choisi, on va appeler chacun notre tour. Donc, si tu décides de choisir Tof, par exemple, Tof va appeler et ensuite tu vas appeler ou inversement. Et le but, c'est que, ben, tu arrives à placer un maximum de fois gros dans la phrase. Donc, quelqu'un va décrocher, au hasard, on ne sait pas si ça va être un garçon, une fille, un vieux, un jeune, aucune idée. Et puis, bah, il va décrocher, tu dis, ouais, salut gros, ça va gros. Enfin, tu vois, tu ponctues tes phrases par gros. T'essaies d'en placer un maximum tout en gardant des phrases cohérentes, bien entendu, hein. Pas la peine de dire gros, gros, gros, gros, gros, gros, gros. Bien sûr, ça ne comptera pas. Non, je précise parce qu'il y en a qui ont essayé de nous la faire à l'envers. Et voilà, du coup, tu veux jouer contre qui, Fred? À savoir que Tof est le plus mauvais, hein, donc c'est lui avec lequel tu as le plus de chances de gagner. Moi avec qui tu as le moins de chances de gagner. Et Polo et Valentine, c'est moitié-moitié, on va dire. Non, mais vas-y avec toi. Eh ben très bien, Fred. Bah parfait. C'est bien, Fred, parce que du coup, tu prends un peu de risque. C'est mieux que les gens qui choisissent Tof, parce que bon, bah. C'est vrai. C'est facile, quoi. Tu vois, c'est plus simple. Mais oui, c'est vrai. T'as bien c'est raison, simple. Bon, tu commences ou je commence, Fred? Vas-y, à toi l'honneur. Eh ben très bien, on y va, c'est parti. Donc une minute, c'est Polo qui va compter les gros. Ouais. On y va, donc je dois passer un maximum de fois gros. Et puis voilà quoi, nickel. Allez, c'est parti. Et on appelle au Canada pour décalage horaire, plus facile d'avoir. Oui, allô. Oui, allô gros. Oui, allô. Oui, gros, t'es là au téléphone? C'est qui? Oui, bah je m'appelle Gros justement, et je t'appelais pour savoir si t'avais bien reçu le mail que je t'avais envoyé, Gros. Je pense que vous êtes trompé numéro. Bah non, Gros, là, c'est quoi le numéro? Non, mais c'est pour être sûr, Gros. Ah non, pas du tout, ah non, bah, ça n'a aucun rapport. Hein. Je t'ai envoyé un mail tout à l'heure, Gros, pour savoir justement si t'avais reçu le mail, je voulais être sûr que, bah, que t'aies bien lu et que tu sois d'accord avec tout ce que je t'ai écrit, Gros. Tu confirmes ou pas, Gros? C'est une blague? Mais non, gros, bah, arrête de dire que je fais une blague, ça n'a rien à voir, gros. Je te fais un mail tout à l'heure, je voulais juste savoir si tu l'avais reçu, gros. C'est par rapport à demain matin. Ok, mais d'accord. À qui je parle? Ah bah, à Mickaël. Bon, bah, vous êtes trempé de numéro, là. Bah, vous connaissez pas de Mickaël, gros? Non. Aucun Mickaël, gros? Non plus. Aucun Mickaël, gros? Ah, ça, c'est un truc de ouf, hein. Bon, bah, tant pis, bon, bah, désolé, hein, gros, hein, désolé du dérangement, gros. À bientôt, gros. Au revoir. Oh, il était bon. Oh, j'ai eu de la chance. Oh là là. Oh, j'ai eu de la chance. Combien de gros? J'aurais pu en placer plus, hein. Mais j'ai préféré le faire proprement sans abuser. Ouais, et bah, t'étais à pas loin 18. T'en as 18. Fait 18. Ouais. Et ben 18. J'aurais pu en faire 20. J'aurais pu en faire plus, c'est vrai, mais j'ai préféré faire quelque chose de propre et pas faire. Ouais, ça va, gros, gros. Enfin, tu vois. Ou comme Tof. Ouais, alors je vais te dire tout de suite, gros, gros. Ouais, gros, gros. C'est ma technique que je préfère. Il fait tellement pitié. Fred, à ton tour maintenant. Score à battre 18 en une minute maximum, évidemment. Et puis, bah, si t'arrives à faire plus de 18, c'est gagné. D'accord, on y va, Fred? Vas-y. Allez, on y va. Allez, vas-y, gros. Allez. C'est parti. Compte, tu l'as ou pas? De quoi? Bah non. Non, d'accord. Allez. Oui, nous avons des jeux particuliers, hein. Je ne vous le cache pas. Allez. Allô? Allô? Oui? Allô, bonjour, gros. Ça va, gros? Je pense que vous avez fait un... T'es où? Tu fais quoi? Parce que là j'avais un gros problème avec ma voiture et j'étais vraiment emmerdé, gros. Je pense sinon pour demain t'aurais pas un gros compresseur à me prêter pour regonfler ces gros pneus là sur la voiture, gros? Hein? Ben t'es où? C'est Didier là, pas hein, gros. C'est un faux numéro là. Non, pourtant j'ai rappelé. Tu m'as rappelé, gros, tout à l'heure pour savoir si ce qu'on faisait de gros de m'asseoir. Ok, bye. T'es pas là, numéro. Bye. T'es pas là, gros? Ah, gros, reste là. Hop là. Stop, il a raccroché. Le dernier ne compte pas évidemment puisqu'il avait déjà raccroché. Mais c'est pas grave, ça nous en fait combien alors? Que 10. Non, alors si je puis me permettre, bravo également d'avoir réussi à placer des gros problèmes, etc. De ne pas avoir fait que de la ponctuation, et tu avais raison d'ailleurs de tenter le coup. Bon, malheureusement, il a raccroché après 40 secondes. T'aurais peut-être pu placer 18 s'il avait tenu la minute, c'est possible. Bon, bah tant pis. Eh ben oui, je t'avais dit Fred de choisir Toff. Ah ouais, mais bon, ouais, j'ai risqué quoi. Mais c'est bien, t'as bien fait. Et c'est tout à ton honneur, Fred, bravo. Bon, bah du coup, on va quand même t'envoyer un poil de cul de Toff que tu as gagné. Ah, ça c'est sympa ça. Non, ne me remercie pas, c'est naturel. C'est beau. Ouais, je suis pas. Bon, tu rejoues quand tu veux avec nous, Fred, d'accord. Allez, si vous voulez aussi vous inscrire au jeu du gros, laissez votre numéro de téléphone sur le mail de Seba au standard, seba@energie.com, ou alors sur mon Facebook, sur mon Twitter ou sur l'Instagram. Vous tapez dans tous les cas M-I-K-L officiel. Dans quelques minutes, le chéri, je peux te faire cocu. Ce sera juste avant, le son de Soprano. Il y aura Shawn Mendes également. Et vous toutes et vous tous, on est là jusqu'à 22h sur Energie. Passez l'été, il faut vacances avec Energie. Du 28 juillet au 15 août, la team et les stars Énergie viennent s'éclater avec vous sur le Énergie Summer Tour. Toutes les dates de la tournée sont sur énergie.fr. Les vacances, c'est cool. Rendez-vous dimanche à Messanges avec Bacassi et avec Lidl pour profiter d'un instant de fraîcheur sur le Énergie Summer Tour. Salut, c'est Guillaume. Cet été, avant de partir en soirée, je propose un petit jeu. Plouf, plouf, ce sera toi qui sera Sam, celui qui conduit et qui boit pas. Mais comme l'autre fois, c'était déjà toi et que t'as chopé toute la soirée, alors ce soir, Sam, ça sera moi. Ouais, parce que Sam le sauveur, c'est aussi Sam le tombeur. Alors, y a pas de raison que ce soit toujours les mêmes. Donc, pour éviter les embrouilles, désignez bien votre Sam avant de sortir. Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Rendez-vous sur Facebook pour célébrer votre Sam, le conducteur désigné. Leclerc. Ça, c'est un bon plan. Les pêches et les nectarines françaises jaunes ou blanches à 1,79€ le kilo chez Leclerc. Alors ? Du 3 au 5 août, le très bon plan Leclerc, ce sont les pêches ou les nectarines jaunes ou blanches, calibre A, catégorie 1, origine France, à 1,79€ le kilo. Inutile de résister. Des beaux fruits comme ça, à ce prix-là. C'est que chez Leclerc. Batman vs Superman. Le plus grand combat de gladiateurs de l'histoire. Découvrez enfin la version longue, avec 30 minutes inédites sur les formats Blu-ray. Il a le pouvoir d'exterminer le genre humain. Si je l'avais voulu, tu serais déjà mort. Qui vaincra? Batman vs Superman, l'aube de la justice. En DVD, Blu-ray, Blu-ray 3D et VOD, avec énergie. Parce que quel que soit l'horaire, on changera pas. Énergie. Mickaël est sur Énergie. De 20h à 22h. No, I'm wrong. de 20h à 22h. Mickaël. Mickaël. Et sur Énergie. Bonne soirée tout le monde et bon vendredi soir, 20h, 22h. Merci. On est avec vous jusqu'à 22h, ça tombe sous le sens. C'est Mickaël sur Énergie, on sera de retour en direct. N'oubliez pas, dès lundi 20h, on aura le son de Shawn Mendes, je l'ai promis, Soprano également. Et on va se faire le chéri, je peux te faire cocu avec Mélodie. T'es toujours là, Mélo? Oui, je suis toujours là. Bon, très bien. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, on va appeler David. Il a 31 ans, c'est ton mec. Vous êtes ensemble depuis peu, depuis un mois et demi. Il est chariste, il est plutôt jaloux. Il a un petit complexe, il se trouve un peu gras, voilà. Il est corse, et ça, c'est bien. On va donc l'appeler maintenant et tu vas lui faire croire. C'est une qualité. Et on verra. Et tu vas lui faire croire que t'as rencontré un mec au bar, au bureau, c'est là où t'es sorti samedi, donc c'est Michel, hein, beau, grand, fort, parisien de surcroît, puisqu'il les aime pas trop. Et tu vas lui faire croire que, en gros, t'as envie de coucher avec lui juste un soir. Et tu lui demandes l'autorisation, parce que comme t'es pas une salope, tu lui demandes l'autorisation. D'accord. D'accord. Bon, et très bien, on y va, Mélodie. Donc on est chez moi à la maison, hein, d'accord? D'accord. J'ai un appartement là, j'ai un appartement de grand standing, comme je suis parisien. Rien à voir. Mais... Bon, allez, c'est parti, on y va. Bonne chance, Mélodie. Attends. Oui, allô? Allô, chérie? Ouais. Ça a pas l'air d'être un commode. Ça a pas l'air d'être un commode. Ça va et toi? Je crois que je vais me faire insulter. Ah, ça va, impeccable. T'es toujours au boulot? T'as senti la Corse ou pas? Ouais, toujours. On va tout finir là, j'espère. Et toi, tu fais quoi? Mais justement, je t'appelais pour dire qu'après, je pourrais peut-être pas t'appeler parce que je suis pas chez moi, là. Pourquoi t'es pas chez toi? Tu m'as dit que tu bougeais pas. Non, mais en fait, samedi, je suis sortie au bureau, comme je t'avais dit. Et j'ai rencontré une bande de potes et j'ai sympathisé avec quelqu'un. Il s'appelle avec qui, Michel. Avec qui t'as fait petit... Je vais prendre cher dans ma gueule. Avec un garçon très gentil. Et il m'a invité à boire un verre ce soir. Ouais, et Mélo, je veux boire un petit verre. Tu veux quoi là? Je te sers là un truc, champagne, coca. T'es déjà là-bas ou quoi? T'es déjà là-bas? Coca? Coca? Coca? Allez, bon, coca. Alors, attends une seconde, la coca, hop là. Attends, tu te fous de moi ou quoi là? C'est quoi ça? Eh non, justement, je t'appelais pour te le dire. Je t'appelais pour te dire. Parce que tu m'appelles pour te dire, je suis au boulot là, je suis en train de me défoncer. Tiens, voilà le verre. T'avais qui au téléphone là du coup là alors? Mais qu'est-ce qu'il veut lui? Ah, merci, je suis avec mon copain au téléphone. Ah, excuse-moi, mais permets-moi de te dire que t'es un peu conne, pourquoi tu l'appelles maintenant? Oh, qu'est-ce qu'il a te parler comme ça lui? Non, parce que bon, il y a un moment, t'es où, là, t'es où? Bon, c'est pas très fut-fut de ta part, quoi. Bon, bah, elle raccroche-lui au nez, dis-lui qu'il y a plus de raison. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il a, lui? Passe-le-moi, lui. C'est quoi ce pince, là? Oh, passe-le-moi. Dis-lui que t'as plus de raison, on s'en branle, là. Attends, c'est bon. Non, j'avais besoin de demander t'es quelque où, là, chose. T'es où, là? Je suis chez lui. Mais où, chez lui? Où? Chez lui. Oui, mais où ça, chez lui? Je viens. Qu'est-ce qu'il veut savoir? Je suis chez lui. Passe-le-moi, ce machin, là. Bon, j'ai quelque chose à te demander. Il faut que je te demande quelque chose. Mais étant donné que ça fait pas très longtemps qu'on est... Comment? Déjà, tu vas rentrer. Qu'est-ce que tu fais chez le garçon, là, que moi je suis au travail, là? Ben justement, je voulais te demander... Il est de la police ou quoi, là, sans décoller? Maman, mais lui, je vais le prendre, je vais y enfoncer la tête dans le mur, lui, oh! Qu'est-ce qu'il a, Calme-toi. Je vais me calmer. Qu'est-ce qu'il me veut, lui? Il me connaît pas. Je t'ai la tête contre le mur, toi. Je vais te demander, j'en ai que ça fait pas longtemps. Écoute-moi. Dis-moi. Je voulais savoir si je pouvais coucher avec lui juste ce soir. De quoi? Eh, c'est juste un soir, il va pas nous chier une pendule, c'est qu'un soir, c'est pas grave, hein, oh là là, ça va. Qu'est-ce que tu me dis là, que tu veux coucher avec un type que tu as sympathisé, ça y est. Eh, Mélodie, dis-lui que c'est juste un soir, hein, je te vole pas, on va pas sortir ensemble, on va pas avoir de liaison, C'est juste un one shot. Reste avec lui, reste avec ce machin, hein. Passe-le-moi, vas-y. Allô? Là, qu'est-ce que tu veux, toi? Je m'appelle Michel. T'es qui? Je m'appelle Michel. Michel de quoi? De d'où tu Michel de Paris. Michel, De Paris, maman, avec ton accent de merde, qu'est-ce que t'as Bah dis donc, reste calme, je suis pas pédé puisque je suis avec une meuf là, enfin la tienne en l'occurrence. Non mais écoute, je voulais te dire, au début je savais pas que c'est... Toi, je vais t'entreprendre. C'est-à-dire ? Je vais t'entreprendre. C'est-à-dire, tu vas me proposer un travail ? Ah ouais, je vais te proposer un travail, tu vas faire le trottoir pour moi, espèce de petite... pute, va. Mais non, arrête de dire ça, écoute, moi je savais pas qu'il était avec quelqu'un au début quand je l'ai rencontré. J'en ai rien à branler. Mais c'est pas marqué sur sa tête. C'est pas marqué sur sa tête, mais j'en ai rien à foutre. Qu'est-ce que vous m'appelez pour ça? Je suis en train de me défoncer le cul au travail toute la journée là. Mais t'as raison. Ouais, j'ai raison. Ouais. Et puis là, c'est qui va se faire défoncer le cul? C'est ma meuf, quoi, en fait. Non, parce que, enfin, après. Bah, alors, justement, ça tombe bien que t'en parles, parce que comme je vois que le feeling passe bien entre nous, sexuellement, il y a des trucs qu'elle aime bien ou qu'elle aime pas. Non, il y a des trucs qu'elle aime bien ou qu'elle aime pas. Justement, la sodomie faisait partie de mes questions. Passe-la moi. Non, attends, parce que là, elle est partie aux toilettes deux secondes. J'ai même pas envie de parler avec toi, passe-la moi. Non, mais ça va, reste calme, faut un peu poli. On est des gens civilisés, on est adultes. Ouais, on est adulte, mais je vais te faire voir ce que c'est d'être adulte, moi. Arrête, c'est que des menaces, c'est que des menaces. Que des menaces, dis-moi où tu vois si c'est une menace. Bah, je vais te dire. Bah, attends, t'as de quoi noter parce que je vais d'emménager là. Parce que moi, je descends de Paris, ouais, je travaille au bureau justement là. T'inquiète pas, t'inquiète, vas-y, dis-moi. Très bien, alors attends. Alors, t'as de quoi noter ? Ah, mais t'inquiète, moi, je sais où tu es, vas-y. Alors, c'est 17 R U E. Dépêche-toi. Oh bah je t'épelle, ça va, une seconde. Dépêche-toi. Bon alors, P-A T-U. C'est l'autre, tu notes? Ouais, t'as cru que j'étais quoi? Que j'étais en maternelle ou quoi? Dépêche-toi, dis-moi où c'est. D-A-R. Dépêche-toi. R-E. D'accord, de t'inquiète pas. Bon, tu peux reconnaître, de toute façon, il y a des maillots du PSG sur les fenêtres, hein. Ouais, tu vas voir le maillot du PSG que je te le foutre dans le cul, PD. Bon, dis donc, alors, il y a un peu de respect, ça va. Attends, t'es quoi, t'as un mec du Sud, toi, c'est ça? Pour qui, toi? Mais attends, t'as un mec du Sud avec ton accent de merde, là, c'est ça? Ah, mon accent de merde. Mais t'as vu ton accent de merde, toi ou quoi? Mais attends, mais moi, c'est la France. Ah, la France de ta race, va. Bah oui, c'est pas un accent du Sud de merde, là, tout pourri, là. Me cassez pas les couilles, je fais travail, allez. Bah attends, je vais te la repasser, elle arrive, là, justement. Vas-y, non, me la repasse pas, mais si, je vais te la repasser maintenant, attends, c'est bon. Mais non, je vais pas passer du bon temps avec elle, là, parce que je sens que tu fais du caca, là. Je m'en bats les couilles, tu sais quoi, passe du bon temps avec elle, fais-toi là, fais ce que tu veux. Mais alors, franchement, qu'elle ne revienne pas du tout. Ah si, parce qu'elle va revenir, alors apparemment, c'est prévu. Même pas qu'elle m'appelle, fini. Bon, attends, je te la repasse. Non, me la repasse pas, allez. Si, je te la repasse. Allô ? Merde, oh putain, il est fâché, hein. Ah, Mélodie ? Ah, il est corse, hein, t'avais prévenu. Ah, il est. Bon, il est fâché, hein, ça c'est. Aïe. Ah mais il a raccroché. Ouais. Il est fâché. D'accord. Tiens, mais sache qu'il dit toujours aussi élégant et raffiné quand même. Oui, désolé chérie, je peux te faire cocu. C'est un petit peu ça. C'est... Mais oui. Bon, on va le rappeler. Je vais le chauffer encore un peu. J'espère que ça va aller. Oui, je pense que ça va d'accord. aller. D'accord. Oui. Allez, on rappelle David. D'accord. Ah là là. On y retourne. Il fait quoi? Ah oui, au cariste. Oui, attends. Je vais le menacer. Allô. Eh, hey, plus jamais tu me raccroches au nez, sinon je viens, je te mets une droite, t'as compris? Putain de merde. Plus jamais tu me raccroches au nez. C'est qui toi pour que je raccroche au nez? Non, mais je m'appelle Michel, moi je viens de Paris. T'es Michel, mais j'en ai rien à foutre que tu sois de Paris. Non, si. Et rien que le fait que je vienne de Paris, tu devrais regarder en bas quand tu me parles. Ouais, je regarde en bas. Tu crois que. Attends. Tu regardes en bas? Oh, t'as cru quoi? Je vais te tuer, toi. Mais non, tu vas rien faire du tout, arrête un peu, mais non. Bon, écoute, je te repasse ta meuf, d'accord? Ouais, ma meuf, c'est pas ma meuf, c'est Purine. C'est bon, je te repasse Mélodie. Casse-toi, vas-y, ouais, casse-toi. Je te la repasse, d'accord? Ouais, casse-toi. Bon, hey, Mélodie, voilà, c'est bon, je te le repasse là. Bon, c'est un dur à cuire, mais finalement, il a cédé, hein, donc il est d'accord, mais que pour un soir. Donc, Ah, mais il se fout de ma gueule en plus, ce machin. Là, j'ai un peu discuté avec lui. Mais tu sais, il se la ramène parce qu'il vient du Sud, c'est un Corse ou Marseillais ou je sais pas quoi, enfin, c'est la même merde. Et voilà. Mais c'est bon, je lui ai montré qu'il était le patron. Mais oui, il est d'accord. Mais bien sûr qu'il est d'accord. Bah, il vient de me le dire. Tu sais, il m'a dit juste le jour. Je vais le tuer. Pour de bon, je le plombe. La tête de tout le monde, de la famille, tout ça. Tu sais, avec son accent de merde là. Et donc, je vais le plomber. Ouais. Maman, je vais le plomber. Oui, il est d'accord. Tiens, bah, je te le repasse. Eh, tu lui fais un gros bisou de ma part. Franchement, il est cool. Et, je vais lui faire un bisou avec mon poing. Allez, dans sa gueule, tu vas voir. On se boit un verre à l'occasion et tout. Je l'invite. Mais tu veux ta mère, toi. Je l'invite. Allô, chérie. Allô, qu'est-ce que tu Allô veux ? Ne m'appelle pas chérie, m'appelle pas chérie. Bah si. Non, il n'y a pas de chérie. Même pas que je parle du principe que je te demande d'avance. Je vais te demander une chèvre aussi. Ah non, mais si tu connais une chèvre, je veux bien la baiser, hein. Ouais, mais va baiser ta mère, attends. Bon, j'ai besoin de savoir si nous deux, ça. Si je fais avec Michel, je vais. Mais ouais, évidemment, mais c'est un mec qui va te dire oui. Tu vas revenir, tu vas montrer tes nibards et puis il va dire ok, qu'est-ce que tu veux faire? T'as cru que j'ai pas d'amour propre, hein? C'est qu'un mec. Parisienne de rafle de merde, moi. Allez, Paris! Non. T'es mort, hein. Allez, Paris! Mais je te jure, quand tu rentres, que je te revois, je te crache à la gueule. Tu peux pas faire ça. Alors, David, je t'interdis. Ah, tu m'interdis de quoi? T'as cru que t'étais mon père, toi? Non, je suis au-delà, moi, je suis. Je viens de Paris, moi. Non, mais toi, t'es fou, toi. T'es un fou, mais je te plombe. Mais non, tu vas pas faire ça. Ferme ta gueule, je vais te plomber. Mais non, tu sais pourquoi tu vas pas faire ça? Pas oh merde, putain. En général, quand je dis ça, c'est parce que j'ai envie de terminer le jeu, parce que je sens que ça part trop loin. On va le rappeler. Attends, bouge pas, Mélodie. D'accord. J'espère qu'il y a pas mal le prendre, même si c'est un canular, même quand il va le savoir. Pas mal le prendre. Je pense, ouais. La meuf, le père, tout ça, lui, il va pas y aller. On va voir. Vous avez pas fini de me casser les couilles là? Qu'est-ce que je t'avais dit? Qu'est-ce que je t'avais dit? Ta gueule, Mélodie! Laisse-moi parler, c'est les Parisiens qui commandent ici. Comment tu parles? T'as cru que t'étais qui? Je m'appelle Michel, je viens de Paris. Mais j'en ai rien à foutre que tu t'appelles Michel de Paris. Voilà. J'en ai rien à foutre, hein. Qu'est-ce que je t'avais dit? Si tu me raccroches encore une fois au nez, je viens, je te mets une droite. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais venir, je vais te mettre une droite. Viens, tu sais quoi, on va rigoler, tous les deux on va rigoler. Vas-y, viens. Alors attention, d'accord? Viens, vas-y, on va rigoler. Tu veux jouer à ça? Tu veux vraiment qu'on joue à ça tous les deux? Je vais t'attraper et je vais te couper les coups, tu vas comprendre. D'accord, mais tu sais quoi, avec ces mots d'amour, comment tu me parles? Là, je suis bien content que tu me parles comme ça. Chien de la casse! Bon. David? Ah, je suis un chien de la casse. Vas-y, viens. Bon, vas-y, on va rigoler tous les deux. Mais non, tu sais, on va vraiment rigoler. Tu sais pourquoi on va rigoler? Vas-y, dis-moi pourquoi on va rigoler. Parce que je te jure que là, si je t'attrape, on va bien rigoler tous les deux. Mais tu sais pourquoi on va rigoler? Vas-y, dis-moi pourquoi on va rigoler, dis-moi. Bah parce qu'on est en direct sur Énergie. Et c'était le chéri, je peux te faire cocu, c'était un jeu, David. Tout va bien, regarde, Yatov qui est là. Oui, c'est moi. Voilà, il y a Polo qui est là. Il y a Zeba qui est au standard qui est là. Mais prends le micro, il est con, lui. J'ai apprécié. Ben oui. Voilà. Bon, tout va bien, quoi, David. Oui, t'inquiète pas. Vous êtes fou, vous me faites péter les plombs au boulot, là. Mais non, t'as pas pété les plombs, pardon. T'es même plutôt resté calme. Franchement, t'es plutôt resté calme, vraiment. Je suis resté calme, mais tu m'as pas vu. Non, effectivement. Il vaut mieux pas que tu me fasses. Ça va, David, ça va aller, t'inquiète. Tu m'as fait monter la pression, fou. Oui, ça, j'ai bien vu, ouais. Bon, hey, Mélodie, du coup, le cadeau, il est pour David ou tu le gardes? Ah, comme il veut. Tu sais quoi, t'as bien joué le jeu, toi aussi, garde-le, va. Sinon, je le garde moi, hein. Si vous voulez, parce que j'ai bien joué quand même aussi, non? Donne-le à ma femme. Bon, très bien, très bien. Ça marche. Bon, bah, Mélodie et David. David, vous restez au standard. De toute façon, il y a plein de cadeaux, comme je l'avais dit juste avant le jeu, là, notamment les bracelets Fitbit, il y a les GoPro, tout ça. David, Mélodie, retour chez Seba. Passez une bonne soirée, bonnes vacances, les gars. Merci, bonne soirée, bonnes vacances. Vous êtes des fous. Oh, c'est gentil, on prend ça comme un compliment. Bon, allez, si vous voulez aussi participer au chéri, je peux te faire cocu, on refait ça lundi en direct. Si vous avez envie de vous inscrire, envoyez tout simplement un mail à Seba au standard seba@energie.com. Vous mettez bien que vous voulez faire le chéri, je peux te faire cocu, et vous laissez votre numéro pour qu'on puisse vous rappeler, évidemment. On parlera de Jean Sall dans un instant. On fait une petite dédicace à toi, bien entendu. Merci. On fait ça juste après le son de Soprano. C'est maintenant sur Énergie. Monsieur, avant ma chute, j'étais vraiment riche et heureux. J'étais le plus grand conseiller des hommes, même en haut lieu. On faisait appel à mes services pour prendre malheureux. Monsieur, tout le monde signait avec moi en fermant les yeux. Sur terre, le péché est un business fructueux. Je faisais mon chiffre en vendant le désir et le feu. Oui, le malheur des uns fait le bonheur du plus véreux. J'offrais le pouvoir au portefeuille d'un plus généreux. Mais l'époque a changé, l'époque a changé. Les hommes n'ont plus besoin de moi. Oui, l'époque a changé, l'époque a changé. J'ai tout perdu depuis que les hommes font bien pire que moi. Le diable s'habille plus en badard. Les hommes lui ont fait les poches, lui ont pris sa femme et ses poches. Monsieur, les hommes d'aujourd'hui ont dépassé tous mes voeux. Certains exercent leur folie meurtrière au nom de Dieu. Le pétrole est une raison légitime pour mettre le feu. Certains pays rétrécissent, mais bon, restons silencieux. Malgré sa richesse, l'Afrique a toujours un creux. La télé m'a volé l'éducation de leurs morveux. Internet brûle les neurones beaucoup plus que la bœuf. L'enfer n'est plus chez moi, mais bel et bien chez vous, monsieur. Mais l'époque a changé. L'époque a changé. Les hommes n'ont plus besoin de moi. Oui, l'époque a changé. L'époque a changé. J'ai tout perdu depuis que les hommes font bien pire que moi. Le diable s'habille plus en bagarre. Oui, l'élève a dépassé son maître. Oui, l'élève a dépassé son maître. Oui, l'enfer est bien plus gros sur terre. Depuis que les hommes font pire que Lucifer. Oui, l'élève a dépassé son maître. Oui, l'élève a dépassé son maître. Oui, l'enfer est bien plus gros sur terre. Depuis que les hommes. On est là de 20h à 22h sur Énergie. Et sur Facebook, Twitter et Instagram. M-I-K-L, officiel. Restez sur Énergie jusqu'à 22h. On est là tranquillement avec toute l'équipe. Avec surtout le son de Shawn Mendes qui va arriver. Et Kevin qui est avec nous. Tu nous appelles pourquoi toi, dis-moi? Bah écoute, t'as lancé tout à l'heure une histoire dégueulasse là sur les meufs ou les trucs comme ça. Ah bah oui, on demandait si vous étiez déjà tombé sur des gens crado dégueulasses et du coup comment là, ça s'était passé. Raconte. Pire que ça, je pense que c'est pas possible. Ah bon, oulala, attends, détrompe-toi. Enfin, je jugerai après, vas-y raconte. Alors écoute, c'est simple, hein, soirée en boîte, tranquille, tout ce qu'il y a de plus normal. Ouais. Je sympathise avec une nana, tranquille, tout va bien, elle me plaît et tout, elle est super mignonne. Et elle buvait quoi? On s'en fout, hein, Polo, toujours avec ces questions débiles. Ouais, oh, vas-y, continue. Ouais. Donc elle buvait et puis la soirée se termine à la maison, donc on commence à chauffer, hein, préliminaire et tout le tralala. Vous chauffiez avec quoi? Avec du fioul? On s'en fout. Du fioul. Non, c'est important pour la couche d'ozone, il faut que ce soit des énergies renouvelables. Bah tiens. Ouais. Bon, allez, vas-y, continue parce qu'on va y passer la nuit. Et au moment où je lui enlève son prix, je te dis pas comment c'était plâtreux, dégueulasse. Il disait qu'il avait une semaine le signe. Et du coup, j'ai dit à la nana, écoute, t'es gentil. Tu vas te laver. Non, tu prends tes affaires, tu rentres chez toi. Ah, tu lui as dit ça? Ah, je l'ai jarté, attends, c'est pas possible. Mais attends, mais comment tu... Bah attends, parce qu'il y a des filles, parfois, elles ont des... Et même les garçons aussi, hein, des odeurs corporelles très fortes. Non, mais donc là, c'est l'impression qu'elles puent, alors que c'est juste leur odeur. Elles sortent peut-être de la douche, tu vois. L'odeur, ok, mais la matière qu'il y avait sur le string, franchement, t'as fait pas... Mais quoi, ouais, elle a peut-être chié dedans, ou ouais, peut-être t'es malade, je sais pas, moi, la chiasse, on sait rien, ça sert à rien. Ah, je sais pas, mais franchement, hein, oh putain, un truc de fou, ça m'a dégoûté, pendant un mois, j'ai pas touché un schneck. Ah, carrément, mais tu lui as dit quoi exactement, alors? Ah, je lui ai dit, écoute, je sais pas, tu t'es lavé ces derniers jours, elle m'a fait, écoute... Bah, j'ai dormi chez ma copine hier soir, et puis je suis sorti, je me dis, bah, la moindre des choses, c'est quand tu veux faire quelque chose avec un mec, tu sois propre, quoi. Parce que même si je fais une capote là-dessus, à mon avis, je m'en sortirais pas indemne. Elle était toute rouge, la pauvre. D'accord. Alors, attends, hey, Kevin, attends deux secondes, parce qu'on a un problème dans le studio. En fait, je t'entends de super loin, et je ne m'entends même plus moi-même. Bon, si vous nous entendez, j'imagine que tant mieux. Ah, voilà. C'est toi qui as fait de la merde, Polo. Bah non, j'ai pas les moyens, j'ai contact avec rien. Mais t'as poussé sur un bouton, tout a fonctionné, pourtant t'as accès à rien, c'est moi qui ai tous les boutons. Non, mais c'est le truc pour régler mon casque. Bah t'as touché à ça, ça a fonctionné. Mais je n'ai... Oui, mais je... C'est Polo. Et bien voilà, c'est nous avons été sabotés. Nous avons été sabotés par notre Jawad. Bon, et donc vas-y Kevin, j'ai pas entendu la fin du coup de ce que t'as dit. Ouais, hein, donc, du coup je lui ai dit, non mais attends, tu t'es lavé au moins aujourd'hui. Elle me fait, bah non, écoute, j'ai dormi chez ma copine hier soir et puis on est sortis depuis. Ah bah d'accord. Et j'ai remis mon string le même. Et à mon avis, c'est ça, je fais la moindre des choses. Tu veux faire quelque chose avec un gars, c'est pas quoi. Et puis même là, si je mets une capote, à mon avis, je vais choper une saloperie, je lui ai dit. Et la pauvre, elle savait plus où se foutre. Elle est partie. Bah oui, franchement, il faut être un peu gentleman aussi. T'as une douche chez toi, tu la mets dedans et puis on en parle. Non, tu la broies, tu mets un peu de talc. Enfin, c'est pas l'animal. Et pourtant, j'étais bourré. Ah bah, visiblement pas. Sinon, au pire du pire, tu la passes un peu à la machine à laver. Merci, Duff. Bon, Kevin, merci en tout cas d'avoir appelé. Bah écoutez, allez, bon courage. Salut, salut les gars. Salut Kevin, ciao à toi. Il y a Guillaume aussi qui est avec nous à Saint-Malo. Salut Guillaume. Salut, salut tout le monde. Ça va? Bah tranquillou, hein. Très bien. Guillaume, donc, qui est dans le standard depuis 2h08. En fait, je me venge de Guillaume qui est avant nous, parce que comme il rend toujours en retard, bah voilà, j'ai décidé de prendre Guillaume. Tous les Guillaumes passeront avec du retard dorénavant. Voilà, c'est la vengeance, c'est comme ça. Voilà, bah voilà, bah vous n'y pouvez rien, mais c'est comme ça. Voilà, on fait un amalgame et voilà, c'est comme ça. Bon. De quoi, Guillaume? Tu dis c'est pas grave, j'ai que ça à foutre. Ah bah écoute, tant mieux alors. Bah bon, voilà, Guillaume, rassuré. Tu voulais nous parler d'un problème chez les routiers, toi? Ouais, bah ouais, tu parlais des mecs dégueulasses. Bah je peux te dire que dans le monde des routiers, il y en a, tu vois. Bah, il y en a même plus qu'on ne le pense. Parce que tu vois, bah moi je pars la semaine, tu vois, je pars le lundi, je pense le samedi matin. Et bah il y a pas mal de mecs, hein, le vendredi soir ou le samedi matin, je peux te dire qu'ils puent. Ah bah oui, mais ça c'est sûr, hein. Bah oui, les mecs qui sont pas lavés pendant une semaine. Ah bah attends, moi je me lave tous les jours, hein. Tous les jours je prends des douches, hein. C'est le minimum. Bah forcément, ouais. Mais il y a d'autres. Les mecs ils veulent pas payer 2 euros, parce que dans les routiers ou les stations service, la douche c'est 2 euros. Donc ça les fait chier de payer 2 euros, ils préfèrent prendre une bière, tu vois. Ah bah. Hey, moi par exemple, je suis désolé, ça n'a rien à voir avec la propreté, parce que Dieu sait que je déteste être sale ou garder mes vêtements trop longtemps, n'importe quoi. Mais prendre une douche dans une station service, je pourrais pas. Bah ouais. Bon, moi c'est parce que moi j'aime bien. Moi je suis un maniaque de la propreté et je peux pas prendre. Enfin, déjà dans les hôtels, j'ai du mal à dormir parce que je sais jamais si c'est propre, pas propre, tout ça. Mais alors, dans un endroit où, bon, tu sais bien, quand tu vas à la station chez Total ou chez Shell, enfin n'importe quelle station de service sur le bord de l'autoroute, si tu veux, c'est pas. Même si nettoie le plus régulièrement possible tout ce que tu veux, ça reste pas l'endroit le plus propre du monde, tu vois. Moi je pourrais pas. Ouais, mais bon, après moi, quand je prends des douches comme ça dans les routiers ou. Bah, je vais plus souvent dans les routiers. Mais dans les stations de service, ça m'arrive de temps en temps, tu sais, je mets une paire de claquettes déjà. Ah oui, ça c'est alors là, ça c'est clair. Ouais, t'es obligé parce que t'as les mecs après ils te salopent tout le reste. Ah ouais, tu chopes des virus, toutes tes maladies, toutes les mycoses et tout. T'as ouais. Un groupe, tu fais des claquettes. Oh, qu'est-ce qu'il est lourd. Non, mais donc voilà. Du coup. Bah vas-y. Et je te jure, le vendredi, des fois, tu rentres juste pour déplacer leur camion. Mais ça pue là-dedans. Ah bah bien sûr. Bah évidemment. Et les mecs même ils changent même pas, hein. Il y en a, tu les vois le lundi, ils ont le même t-shirt le vendredi, hein. Ah oui. C'est carrément. C'est affolant. Donc bon bah je sais pas, c'est pour moi c'est un petit peu un manque de respect déjà envers les autres, quoi. Puis ils représentent un peu leur entreprise, quoi. Aussi. Bah oui, c'est sûr. Bon bah tu parlais des mecs dégueulasses, tu vois, bah ça c'est des exemples concrets. Effectivement les mecs, ouais, non, ça j'avoue, effectivement. Bah merci beaucoup Guillaume en tout cas d'avoir appelé. Je voudrais faire une petite dédicace. Allez, vas-y. Au mec des transports Jolival et puis à tous les chauffeurs du groupe Waranachu, les routiers bretons. Ouais. Et puis bah voilà quoi. Et puis bah bonne continuation à vous. Et puis bah merci d'être là, vous égayez notre nuit, quoi. Ah bah c'est gentil, merci beaucoup Guillaume. Et tu rappelles quand tu veux en tout cas. Y'a pas de soucis. Allez, à bientôt. Salut Guillaume. Bon, Julian Peretta, n'oubliez pas, ça va débarquer. Il y aura Olivier Dion aussi. Olivier Dion qui est à la recherche de la femme de sa vie, hein. Si jamais ça t'intéresse. Je suis disponible. Eh ben voilà, tu peux y aller, y'a pas de problème. On fait ça dans un instant. Vous bougez pas de là, ça arrive avant 22h. Et on écoute tout de suite le son de Shawn Mendes sur NRJ. I won't lie to you. I know he's just not right for you. And you could tell me if I'm off, but I see it on your face when you say that he's the one that you want. And you're spending all your time in this wrong situation, and anytime you want it to stop. I know I can treat you better than he can, and any guy like you deserves a gentleman. Tell me why are we wasting time on all your wasted crown when you should be with me instead. Stop time for you. The second you say you'd like me to, I just wanna give you the loving that.

all gotta get fed. Can't let me know I'm on tape. Can't let me in your head. I'm not here to make you young, but it's praise that I get. You ain't gonna walk free, boy. Not finished with you yet. No, can you feel the warmth? Yeah. As my kiss goes down, you like some sweet alcohol. Where I'm coming from? Yeah. The darker side of me that makes you feel so numb. Cause I'm high like hell, so burn when I'm not. Then you're by yourself. Am I the answer to your prayers? I'll give you the pleasure of heaven. I'll give it to you hotter than hell. Hotter than hell. On est là de 20h à 22h sur Énergie et sur Facebook, Twitter et Instagram. M-I-K-L officiel. Allez, bienvenue sur Énergie. Si vous venez de débarquer, c'est Mickaël. Tous les vendredis de 20h à 22h et toute la semaine du lundi au jeudi de 20h à minuit. Vous restez là, je vous mets Julian Peretta qui va arriver. Et venez nous rejoindre aussi sur Facebook, Twitter, Instagram, vous tapez M-I-K-L officiel. Et on en parlait la semaine dernière, enfin je vous l'ai déjà dit jeudi, mais dès demain, dis n'importe quoi, ouais. Dès lundi, on vous offrira la nouvelle Xbox One S. La blanche Ultra HD, c'est même pas Full HD, c'est Ultra HD, la grande classe. Le rêve de Toff, hein, mais comme il ne l'achètera pas, il ne l'aura pas. Bah, j'ai pas de télé 4K encore. Ah c'est ça, bon enfin ça t'empêche pas, tu peux l'utiliser sur une vieille télé aussi. C'est juste que ce sera compatible quand t'achèteras une 4K. Ouais. Il voilà. A pas une 4K, il a une caca. Il a une caca, ouais, on l'a bien pu le remarquer la semaine dernière, enfin cette semaine. Quelle plutôt, horreur. Avec son petit problème gastrique, on va dire ça comme ça. Bon, vous bougez pas de là, on se met la pub en speed, on revient avec Julien Peretta comme promis et Olivier Dion ainsi que le jeu de la piscine et on fera les appels mal intentionnés également. Ne sois pas triste. Le plus important dans la vie, c'est toi. Ta vie, ton bonheur, ton choix. Prends ton baluchon et voyage. Regarde, émerveille-toi. Profite de la vie. Tu es seul. Alors avance. Marche à contre-courant. Parle, change, apprends. Choisis la voie la moins empruntée. Le bonheur est au bout du chemin. Mais ne suis pas le chemin des autres. Personne ne peut rien faire pour toi. Ta vie. Ton bonheur. Ton choix. Tu veux faire le premier pas ? Écoute Mickaël sur Énergie de 20h à 22h. Allez, c'est parti, on va se faire maintenant le jeu de la piscine avec Mickaël. Alors, le principe du jeu, très très simple, Mickaël. Tu vas tenter de découvrir les mots que Tov va te faire, va te dire sous l'eau. C'est si tu arrives à retrouver au moins 3 mots, tu gagnes. Si ce sont les auditeurs, c'est eux qui gagnent. Le principe est très simple, sachant qu'évidemment, vous devez vous inscrire en envoyant Mickaël et votre message et la réponse au 6-11-12. Bon, allez, attention, c'est parti. On lance Tov dans l'eau sur le plongeoir. Le voilà. Alors, on y va, c'est parti. Articule. Allez, articule. Mickaël, fais honneur au prénom. Oui, j'entends pas très bien. Bah oui, c'est ce principe. Articule. Bah je fais que ça hein. Mais non, articule, on t'entend pas, je suis la case, va. Oh là là, putain. Toutes les semaines on doit crier comme ça. Bon, envoyez Mickaël et votre message et la réponse si vous avez la bonne réponse hein, au 6-11-12. Oh, vous pouvez. Allez. Mickaël, c'est à la plage, les filles en mettent plein là. Pardon ? Les filles en mettent plein, y'a rien, SMS. Une voiture ? Non, c'est pas une voiture à la plage. Parasol ? Un parasol à la plage, oui, ça c'est vrai, mais c'est pas, les filles en mettent pas spécialement plein. Top, c'est bon. C'est bon, ça a été trouvé. Ah bah voilà, c'est qui a trouvé ? Y'a. Y'a pas de prénom ? Non, c'est pas. Bah, tant pis, c'est Bikini, Mickaël. Oh là là là là, les filles en mettent plein à la plage. Bikini. Oh là là, quel dommage. Ah oui. Tu m'expliqueras sur quelle plage tu vois où les meufs mettent des parasols, mec. C'est, je j'ai pas une idée, mais elle va pas te plaire. Mais plus que des voitures, hein. Il y a plus de chances qu'une fille arrive avec un parasol à la plage qu'avec une voiture. Non, se mettre, ça s'habille avec un parasol. Ah oui, s'habille, ouais, c'est vrai. Maillot de bain, on proposait également. Tiens, et Romain jouait aussi pour le bikini. Bon. Deuxième mot. Les auditeurs ont un point. Tu en as zéro, Mickaël. C'est pas grave. Tu peux encore te refaire. Oui. On y va. Voici donc le deuxième mot. Et voici donc Polo, Top, pardon, qui va voler dans la piscine d'énergie. On y va. Deuxième mot à découvrir. Si vous avez la réponse, vous envoyez Mickaël, espace votre numéro, et la réponse au 6 11 12. Il n'y a pas de bon joueur aujourd'hui. Bah si, t'es tombé dedans là. Oh, pardon. Il faut qu'il fasse son cinéma. Bon, ça s'utilise quand t'es dans l'eau. Pardon ? Ça s'utilise quand t'es dans l'eau. Quand tu vas ? Non. C'est cul, le chien de la case, va. C'est pas un tuba. Un maillot de bain, une bouée pour Anto, un barbecue pour Charlie. Bah oui, bah alors là. Un masque, c'est pas ça. Des palmes pour Romain, c'était trouvé, bravo. Eh bah bravo, bravo, bravo, bravo. Il y a Julie qui proposait, est-ce que c'est un paddle ? Non, c'est pas un paddle, non. Bon, du coup, ça fait 2 pour les auditeurs, 0 pour toi, Mickaël. Bah bravo, hein, pour. Hein ? Ah ouais, là, pour l'instant, c'est pas terrible. Bon, allez, on renvoie Tov dans la piscine. Et voici le dernier mot, peut-être Mickaël, si tu trouves pas celui-là c'est perdu, les auditeurs si vous le trouvez c'est vous qui gagnez. Pour jouer vous envoyez Mickaël, espace votre numéro et la réponse au 6 11 12 par SMS, on y va. On en trouve à la plage aussi. C'est spécial. Du sable, non. Un blou blou blou blou blou, non. Un parasol, c'est pas ça. Un maillot de bain pour Anto, non. Des lunettes, c'est pas ça non plus. La coquillage, c'est tombé. Chacha, voilà, ouais. Ça a été trouvé. Il y avait matelas gonflables, c'est pas ça. Christophe qui avait trouvé aussi coquillage. Et puis, coquillage. Zéro, Mickaël, putain, zéro, mais comment tu veux, là ? T'as pas fait honneur, hein ? T'as pas fait honneur ? J'entends pas très bien avec mon téléphone. Bah oui, mais enfin, c'est tout le principe, Mickaël. Oh là là là là là là. Bon, bah écoute, tant pis, Mickaël, c'est perdu, hein. Tant pis, c'est pas grave. Tu retentes ta chance quand tu veux, d'accord ? Oui, d'accord. Bon, allez, à bientôt, Mickaël. Et si vous voulez vous inscrire au jeu de la piscine, envoyez un petit mail à Seba au standard seba@energie.com. Laissez votre numéro de téléphone. Si vous voulez participer à l'émission pour un sujet, si vous voulez participer à l'émission pour un jeu, vous êtes évidemment les bienvenus. J'avais promis Julian Peretta. Eh ben, on va s'écouter ça maintenant sur Énergie. Where love could have taken us, blame it on the wind and cry, cry, cry, you know why. I'm drowning in an ocean of salt water. So emotional, come we make a truce. Cause I cry, cry, you know why. I'm drowning in an ocean of salt water. yeah. Come back to me, yeah. Come back, would you come back to me, yeah. Come back to me, yeah. Come back to me, yeah. When you're gone. Miami, Tahiti, des destinations de rêve. Oubliez la fête, les cocktails, la plage. Oh non ! Des destinations de rêve. On est là. Oubliez l'aventure, le sport, les vacances. C'est Mickaël sur Énergie. De 20h à 22h. Et sur Twitter, Facebook et Instagram, M-I-K-L officiel. On est sur Énergie jusqu'à 22h. Bienvenue si vous venez de débarquer. On va se faire les appels mal intentionnés maintenant. Et bah, comme tous les soirs, forcément, un bon petit sujet. Hein. Et donc pour l'été, il paraît que l'épilation intégrale chez les mecs, ça a la cote. 31% s'épilent les couilles. Et 4% vont jusqu'à également se faire épiler les fesses. Donc incroyable. Tu te fais épiler les couilles ou pas, Tof? Non, je me fais pas épiler les couilles, mais j'aime bien quand c'est pas trop long. Donc Après, il y a raccourcir. Il y a raccourcir et il y a épiler. Non, ouais, je fais pas à blanc, parce que sinon après ça colle. Non. Ça gratte surtout. Oui, ouais, aussi, ouais. C'est problème en fait. C'est juste pour ça. Ah oui, parce que sinon ouais. Ça colle. Ça colle. Bah ouais, t'as un vieux chewing-gum pourri. Ah, non, ouais. Mais c'est ça, t'as la bourse qui colle sur la cuisse, et ça, c'est chiant. La bourse colle sur la cuisse, c'est parfait. Bon, alors, du coup. Vous êtes jamais épilé les couilles? Bah, non, épilé, non. Enfin, j'ai une thème ou avec de la crème, tu vois. Si, mais ça colle pas, la bourse coule, la bourse. Non, raccourcir, oui, mais épiler complètement, non. Ah ouais, la bourse colle pas. J'aurais peur que ça soit nocif pour la boule. Non, mais c'est vrai, attends, tu mets des produits là-dessus. Ah, c'est nocif, la boule, elle peut pas. Bah, tu sais pas. Bon, du coup, tu vas appeler des gens, tu vas leur demander s'ils ont tendance à plutôt s'épiler complètement ou pas. Ah bah oui. Ouais. Et appelez-nous aussi, vous les mecs, vous avez plutôt tendance à vous épiler complètement ou pas? Est-ce que vous avez plutôt tendance à faire le 100% d'épilation, l'épilation intégrale? Et les filles aussi, appelez-nous pour voir si votre mec le fait. Et est-ce que ça vous dérange ou pas? Parce qu'il y a des filles qui vont peut-être se dire, ouais, mais ça fait quand même bizarre qu'un mec s'épile complètement. Enfin, tu vois, ouais. Bizarre quoi. 01 40 71 5000, hein, en attendant, grâce au numéro que vous nous avez envoyé sur le mail de Tof, on va appeler des gens pour voir justement s'ils s'épilent à 100%. On y va, c'est parti? Oui. Allez, on y va. toph@energie.com si vous avez des numéros à proposer. Il y a du 14, bonjour. Oui, bonsoir. Je vous appelle parce qu'en fait, je voulais savoir comment votre mari s'épile les couilles, madame. C'est drôle. Non, c'est une question. C'est une question. Pourquoi vous appelez à masquer? Parce que c'est bloqué dans mon téléphone. Ah, c'est bloqué dans votre téléphone? Oui. Et votre femme, à vous, elle fait quoi? Ah ben moi, j'ai pas de femme. Maman, elle veut pas que j'en ramène à la maison. D'accord, ben vous avez bien la chance que vous appelez à masquer. Allô? Ouh, elle t'a menacé, hein. Ah ouais, elle a pas. Enfin, elle t'a pas menacé, mais en gros, elle t'a bien fait comprendre que si t'appelais pas en masqué, tu serais mort. Oui. Bon, on rappelle. J'aurais bien voulu lui mettre mon numéro. Oui, bah, tu vas pouvoir lui donner. Oui, allô? Oui, bonsoir monsieur, j'étais en communication avec votre femme, on a été coupé. Ouais, bah, je n'ai rien à foutre de ton appel, d'accord? Mais oui, c'est parce que je voulais savoir comment vous épilez les couilles, monsieur. Rien à foutre, nique ta mère, bâtard, allez, dégage. Non, dites pas ça, monsieur, c'est pas gentil. Une plainte sera déposée, allez, ciao. Mais pourquoi vous le déposez plainte, monsieur? Répondez à la question plutôt. Allô? Là, il n'y a pas de raison de porter plainte. Non. Tu poses une question, tu n'es pas en train de les insulter. Oui. Une plainte sera déposée. Bon, on va rappeler du coup. Hein. Qui a déposé plainte, autant que ça serve à quelque chose. Bah oui. Oui, allô? Allô? Oui. J'ai pas compris, on a été coupé. Ah oui? Bah oui, parce que vous m'avez pas dit alors comment votre mari s'est pilé les couilles. Ah ouais, c'est vrai. Ah ouais? Je vous ai pas dit? Bah non. Bah non. Au scotch. Et donc alors il fait comment? Au scotch. Voilà, au scotch. Ah oui, d'accord, très bien. À toi les bruits. Ah bah parfait. Eh bah parfait, merci beaucoup monsieur. Allez, libérez-nous. Hein. Au revoir. On va venir vous voir. Ouais, la grosse voix du monsieur elle fait peur. Hein. Oui, on va venir. Cela voir. Dit, au scotch, ça va pas être très, très confort. Hein. Ah ouais, ça doit faire un peu mal. Ouais. Ah ouais, c'est même pas confortable du tout. Bon, appelez-nous si vous avez des petites solutions. 01 40 71 5000. Ou alors vous envoyez directement votre numéro de téléphone sur le mail de Seba au standard, seba@energie.com. On va s'écouter 21 Pilots à suivre, un de mes sons préférés pour l'instant. Ce sera avant 22h. Et puis on écoute tout de suite le son de Olivier Dion sur Energie. Je sais ce que je laisse, c'est à contre-cœur. Mais un ailleurs m'appelle envers et contre tout. Je sais ce que je blesse, je vois leur douleur. Mais j'en ferai une force qui me suivra partout. Comme un bon levier qui s'ouvre à la vie. On ne va loin que jusqu'au bout. Bien plus qu'un pari et même un défi. Si je reviens, ce sera debout. Mais il faut s'en aller quand il le faut. Croire en son étoile pour toucher le ciel. Et moi je veux voler, voler plus haut. De mes propres ailes, voler de mes propres ailes. Que la jeunesse est faite d'erreurs, qu'on en paye un jour les revers et contre-coups. Mais à quoi sert qu'on naisse, à quoi sert qu'on meure, sans avoir vécu ses rêves, même les plus fous. Quand un bon levier vous ouvre à l'envie, on ne va loin que jusqu'au bout. Qu'importe ce qu'on dit et de tous les avis. Pas bronzé à Hawaï. Toff n'ira pas chez sa mère. Et Polo n'ira pas prêcher sa philosophie. Par contre, ils seront avec vous. De 20h à 22h. Sur Énergie. Et sur Twitter, Facebook et Instagram. Bonne soirée, bel été, bon week-end avec Énergie. C'est Mickaël jusqu'à 22h avec 21 Pilots dans quelques minutes. Et on va accueillir Bilal qui est avec nous maintenant. Bilal, pourquoi tu nous appelles? Bienvenue. En fait, il y a un petit souci avec ma copine. Ouais, encore, décidément. Oh, c'est la première fois. Bah, non, je parle pas de toi, je parle de Gaëtan qui avait un problème avec sa copine aussi et tout ça. Ah ouais, parce que c'était le sujet. Mais en fait, tu vois, le problème c'est que je la vois quoi? Je la vois pas longtemps, tu vois, je la vois peut-être une fois par mois, un petit week-end dans le mois et tout. C'est trop! Et en fait, c'est ça. Ouais. Non, c'est pas que c'est trop, mais c'est qu'en fait, le problème c'est que quand je dors avec elle, en fait, c'est dérangeant, en fait. C'est-à-dire? J'ai horreur de dormir avec elle parce que, en fait, elle est là. Elle est là, tu vois, et je dépais, en fait. Mais arrête. Et je lui dis, non, je te jure, par contre, je lui dis, tu vois. Mais elle pense mais c'est que pas son ventre qui elle, gargouille. Ouais, peut-être, non, elle a peut-être faim. Non, je te jure, vraiment, Amika, je te jure. Croyez-moi, je vous jure que c'est vraiment des pets et c'est des pets de bûcheron. Non, ça je crois, mais Polo aussi, c'est pas pour ça que tu vois, il peut pas dormir avec une meuf. Non, non, franchement, ça c'est un truc, je ne pourrais pas. Je pourrais pas dormir avec quelqu'un, déjà qui fait du bruit, c'est impossible, qui ronfle, franchement, voilà, c'est encore moins possible. Mais non, mais franchement, ça, pour moi, c'est un motif de rupture, moi je peux pas. Hein. Mais franchement, c'est pas possible. Eh mec, c'est tu sais que deux meufs, c'est Irina Sheik là ou je sais pas quoi. La meuf, elle peut me péter dessus que je reste avec elle. Non mais attends. Non mais ok, peut-être un soir, peut-être deux soirs, mais après moi je peux pas, j'arrive pas à dormir. Mec, je me réveille tout le temps, c'est insupportable. On a déjà dormi quand on est parti en vacances avec Poulou, avec Toff, chaque fois dans une même chambre certes, mais avec des lits séparés. Je tiens à le préciser à chaque fois. Je ne dors pas. Franchement, je préfère payer ma chambre tout seul, plein pot, que de partager avec eux parce que c'est impossible. C'est pas vrai. Sans compter qu'il y a Polo tout d'un coup, ça y est, il n'y a plus le bruit. Enfin, je me dis, putain, je peux m'endormir. Putain, non. Et voilà. Parce qu'on est, mais dis pas ce genre de truc, on est entre nous. Mais je veux pas, moi. Mais on est entre hommes. Mais voilà. Je vois pas le rapport. On est entre hommes. Mais attends, entre hommes, on pète, on rentre. Mais non, on pète mais pas. Mais si, mec. Mais non, on pète mais pas. Si. Non, on pète pas. Entre potes, ça passe. Défends-nous, Bilal. Défends l'homme. Mais c'est pas que ça me choque, c'est juste que moi, je me réveille avec rien, avec n'importe quel petit bruit, je me réveille. Un moustique qui passe. Mais sérieusement, ouais. Moi, si c'est comme ça, moi, je pète plus parce que si je pète devant vous, c'est que il y a un niveau de respect. Ouais, sinon, bah pas de plus alors, c'est bien. Bah, j'en c'est, préfère et reprendre ton terminé. Respect. J'en ai rien à foutre. Bah, je le garde. Bon, bref, et bah Bilal, écoute, dis-lui alors qu'elle fasse un effort, qu'elle vérifie ce qu'elle mange avant d'aller dormir. Mais elle me croit pas, Mika, je te dis. Bah, mets un bouchon de. Bah, enregistre. Tu mets un bouchon de liège, sinon on fion. Non, mais sinon, enregistre. Je savais que ça à faire. Non, mais enregistre. Attends, le pire, c'est que le geste qui tue bien, tu vois. Des fois, elle lève même un petit peu la jambe en mode de, je m'en bats les couilles, quoi. Oh. Non, mais attends, c'est quoi ouais. C'est non, mais Polo, faut savoir qu'il fait pareil. Hein. Polo, en fait, quand il se lève, enfin, juste avant qu'il se lève, il se tourne, il pète un de ses trucs, mais t'as l'impression qu'il a pas pété de la nuit. Et après la journée peut commencer. Continuez, là, qui a analysé tes pets, quoi, c'est ouf. Ouais. Oui, c'est bien sûr, attends, j'ai fait une étude sur le pet, hein, une étude sismiologique. Parce que c'est ce que je viens de dire, c'est que quand je connais bien les gens, je me permets de faire des trucs, comme je peux me permettre d'insulter Toff parce que je le connais bien, c'est tout. Mais comme le mec veut pas de respect, veut pas d'amitié en paix, bah. Moi je le garde pour moi. Écoute, sinon Bilal dort plus avec ta meuf, hein, comme on l'a dit, hein, fait de chambre à part, il paraît que c'est mieux. Comment alors imagine, je me marie avec elle, je fais comment? Non, mais écoute. Bah non, mais il y a un moment, faut que tout soit ok. Hein. Y a pas de solution, Bilal. Si elle veut pas comprendre, enregistre et montre lui qu'il y a des pets. Et c'est comme il y a des gens qui se rendent pas compte qu'ils ronflent. Et puis bah, il faut enregistrer pour qu'ils se rendent compte. Une opération, un truc comme ça pour. Une opération quoi? Je sais pas, il perforait le trou de balle. Mais t'es ouf, toi, Bilal. Non, mais Bilal, ça, c'est con, son alimentation. Ah oui, c'est sûr. Hein. Ouais, il faut que tu finis le McDo, finis les pizzas. Tu fais bouffer que des trucs sains. Bah, pourtant, elle mange sainement, je trouve, moi, personnellement. Mais après, faut voir. Pas. Non, mais de toute façon, si elle pète comme ça, la déflatulence, c'est pas normal. Faut qu'elle aille voir un médecin, et puis après, on verra ce qu'il y a à l'intérieur, quoi. Bien sûr, d'ailleurs. Non, mais ça me réveille deux. Vraiment. Donc, dis-toi, un P, et t'arrives à te réveiller quand même. Tu vois, c'est chaud. Mais je sais, après, je sais. Je trouve que j'ai le sommeil. Lourd en fait, tu vois le délire. Bah putain, moi je prends pas de voisin alors. C'est peut-être l'odeur qui te réveille. Ouais, c'est possible aussi ça. Bon, écoute, Bilal, essaye de la convaincre d'aller voir un médecin, sinon qu'elle nous appelle, j'essaierai de lui dire hein, si tu veux, c'est pas un problème moi. Non, mais c'est sa bouffe, y a pas de secret, elle a des flatulences parce qu'elle bouffe n'importe quoi, c'est peut-être, tout. Peut-être. Tu nous tiens en jus, Bilal? T'as dit quoi? Je dis, tu nous tiens au courant? Ouais, je me tiens au courant, y a pas de problème. Bon, ça roule, allez. Je peux passer une petite dédicace, ça dérange pas? Vas-y. Oh, dis à ta meuf qu'elle soit plus discrète, oh, merde non, quel cochon. Oh putain, dégueulasse quoi. Ah, vous tuez. Franchement, ça se fait pas ce qu'elle fait. Dégueulasse. Je laisse un petit dédicace à Elias. Adexpress, à ma petite meuf quand même, tu vois, même si tu pètes, je t'aime. Le mec, il lève. Ouais, à ta petite péteuse, quoi. Très bien. Et n'oublie pas le truc, si tu l'aimes, c'est... Et n'oublie pas, si t'aimes ta meuf, et bah tu la supportes avec tous ses défauts. Non, je pourrais pas. Bon, ouais, salut Bilal, en tout cas, merci d'avoir appelé, gros. Vas-y, ciao. Merci d'avoir appelé en tout cas. Tu rappelles quand tu veux, passe un bon week-end. Passez vous aussi d'ailleurs un bon week-end. Vous bougez pas, je vous mets 21 Pilots juste après la pub. Et puis on va revenir juste après également pour la dernière ligne droite de l'émission. Et n'oubliez pas dès lundi la Xbox One S qui est à gagner, qui sera à gagner sur Énergie et dans l'émission dès 20h. Vous passez vos vacances d'été avec les DJ Star Énergie.

quel que soit l'horaire, on changera pas. Énergie. Mickaël est sur Énergie. De 20h à 22h. Passez une bonne soirée tout le monde. 22h dans un instant, le Hit Énergie DJ Buzz. Ça va arriver comme chaque vendredi à partir de 22h. Nous, on se retrouve dès lundi, 20h, en pleine forme. Passez un bon week-end, profitez bien. Apparemment, le soleil reviendra tout le week-end aussi, même dans le nord. On verra, on en reparlera lundi soir de toute façon. Toff, tu vas faire quoi ce week-end? Pause caca ou pas alors ce week-end? Écoute, je vais faire détente, relaxation de mon ventre. Je vais manger sain. Waouh, ça, ouais. Ça va durer deux minutes. Hein, non, ça va durer un week-end, mais pas plus. Ah, quand même. Oui, très bien. Je vais essayer de... Bon, Polo qui va mieux puisque depuis hier il a arrêté ses médicaments, donc ça va. Son virus peut-être est parti. Libération, je vais voir ça dans deux mois. Hélicobactère, c'est ça ? Hélicobacter pylori, ouais, voilà. Je vais voir ça dans deux mois. En fait, j'en parlais au début, en fait, je suis reparti voir Suicide Squad. Ah oui, c'est vrai qu'on avait été le voir. Voilà. On avait été le voir avant-hier, ouais, c'est vrai. Je suis parti le revoir encore une troisième et je vais aller le revoir pour la blonde ce week-end. Bah oui. Ah bah oui, forcément, qui joue dedans. Bah forcément. Bon, allez, passe un bon week-end en tout cas. Donc, le Hit Energy DJ Buzz, c'est maintenant. Et on se retrouve dès lundi à partir de 20h avec la Xbox One S à gagner. Rencard sur Facebook, Twitter, Instagram tout le week-end, c'est M-I-K-L officiel. Bon week-end tout le monde. I used to believe we were burning on the edge of something beautiful, something beautiful. Selling a dream, smoking mirrors keep us waiting on a miracle, on a miracle. Say go through the darkest of days, having to heartbreak away. Simplement excellent, vous l'avez découvert en premier aujourd'hui sur Énergie, le nouveau DJ Snake avec Justin Bieber. Démarrez la fête du vendredi soir sur Énergie News avec l'émission en référence des DJ. Le hit des clubs DJ Buzz. Énergie. Bon, sur ce, vendredi 22h, enfin. Je m'appelle Lilian, bienvenue au week-end. Et les vrais savent, la teuf, ça se passe ici sur Énergie. On démarre ensemble avec les hits que vous kiffez le plus en club. On se les cale pendant 2 heures. Le top démarre avec Anabit, 35e et Lost Frequencies. Dance. Les 40 titres les plus joués en club partout en France. Le hit des clubs DJ Buzz sur Énergie. Follow. Mountain I am made. 22h, on vous mixe les 40 hits les plus joués par les DJ partout en France. On va enchaîner avec l'un de vos préférés sur Energy, le chéri de Zoé à Amiens, et puis quelques autres aussi, lui il peut. Ritza qui arrive après la première nouveauté hors classement remixée par Milan Tavares et Blackwood, le hit de Richard Orlinski et Eva Simons dans le hit des clubs DJ Buzz sur Energy. Baila, baila. Don't you know I want it more? Put your hands against the wall.

référence des DJ. Le hit des clubs DJ Buzz sur Énergie. Énergie. Énergie. Sur Énergie. Numéro 28. Découvrez jusqu'à minuit le classement référence de tous les DJ. C'est le hit des clubs DJ Buzz sur Énergie. Énergie. Énergie. Énergie. Énergie.